Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Avant de vous délivrer cette nouvelle grande revue de presse JV, j'avais quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, l'émission date un petit peu puisque j'ai mis beaucoup de temps à trouver justement un créneau pour la monter. Donc elle date de fin novembre, je crois. En tout cas, on parle des remakes et à ce moment-là, le remake de Resident Evil 3 n'avait pas été encore annoncé officiellement. Donc voilà, je tenais à vous prévenir puisque on en parle dans l'émission. Et aussi, on a eu quelques soucis de son au niveau de certains micros. Il y a des effets d'écho que j'ai pas pu rattraper. C'est un peu long à vous expliquer, mais voilà, j'ai pas pu le rattraper. Il y a aussi parfois des micros qui merdassent un petit peu, si vous me permettez l'expression. Donc voilà, par rapport aux précédentes émissions, il y a des moments où c'est un petit peu plus perfectible. Au niveau du son, ça reste tout à fait audible, hein, mais je préférais vous prévenir. C'est vrai que moi qui suis très tatillon là-dessus, bon là j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pas pu rattraper voilà, certains sons qui parfois sont vraiment en dessous. J'espère que ça ne vous empêchera pas de passer un bon moment. Et sans plus tarder, voilà, je lance l'émission comme ça et j'espère qu'elle vous plaira, tout simplement. Allez, bye bye. Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle grande revue de presse JV. Je le rappelle, la grande revue de presse JV, c'est le format XXL de l'émission, hein, désormais hebdomadaire. Et la grande revue de presse JV, c'est tous les mois, ou avec des tipeurs. Il y a le Patreon aussi, hein, pour soutenir l'émission. En tout cas, des contributeurs de l'amour qui sont autour de moi, virtuellement bien sûr. Chacun est derrière son PC chez lui, c'est beau. Donc pour débattre sur un sujet, là, le sujet de cette émission va porter sur les remakes. Et pour parler de ça dans la joie et la bonne humeur, sont avec moi ce cher Mopral. Bonsoir Mopral. Salut. Un habitué, hein, celui qu'on appelle le maître des clés maintenant, vous le connaissez. Machin Truc 76, un habitué également, bienvenue Machin Truc. Salut, content de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'étais pas passé. Eh ben, plaisir partagé. Nous accueillons un nouveau membre dans cette famille prestigieuse de la grande revue de presse JV. Je veux parler de Crocodine, bienvenue Crocodine. Salut à tous. Bienvenue, j'espère que tu vas passer un bon moment. On va bien discuter, on va bien se marrer aussi, je pense. Donc, le sujet du soir, mes amis, porte sur les remakes. Et j'aimerais, alors je ne sais pas qui veut s'y coller, il y a quelque chose, moi, qui me rend un peu ténueux, qui m'énerve un petit peu, c'est ces gens qui confondent remake et remaster ou portage HD, etc., alors que c'est fondamentalement pas du tout la même chose. Est-ce que quelqu'un veut faire la distinction ou je m'y colle ? On te laisse cet honneur. Oh mon Dieu, non. On va voir, parce que pour moi, il y a plusieurs sortes. Alors, il ne faut pas que je me plante. Moi, je vais déjà faire vraiment une définition, on va dire, globale. Voilà, un remake, pour moi, c'est repenser un jeu, c'est le remettre au goût du jour, avec les standards de l'époque, en tout cas de l'époque où le remake sort, bien sûr. C'est une création, pour moi, qu'un portage ou un remaster. Vous prenez le jeu, vous mettez un petit filtre HD par-dessus, et roule ma poule, c'est reparti. Ce qui, pour moi, est un portage, voilà. Un remaster, pour moi, c'est un portage HD. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'ai été très vite, hein, voilà, effectivement, pour vous laisser parler, bien sûr, en tant que host que je suis ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Crocodine, tu veux sûrement apporter de la nuance, du coup ? En fait, ouais, parce que pour moi, il y a le portage et le remaster, en plus du remake. Ouais, c'est intéressant, ça. Là, tu peux nous préciser ça ? Pour moi, en fait, le portage, c'est le jeu de base. En fait, qui est porté sur, par exemple, un jeu PS3 qui est porté sur la PS4, mais sans rien changer du tout au niveau des graphismes, de la jouabilité, rien du tout. Pour moi, ça reste un portage tout bête. En fait, pour le remaster, pour moi, hein, c'est une amélioration graphique, en fait, uniquement. On garde le même jeu, mais on fait une petite amélioration graphique, un lissage HD. Un peu comme FF8 récemment. Entre autres, après il y en a d'autres, des jeux plus récents en fait, où il y a juste les graphismes qui ont été améliorés, ils appellent ça un remake. Et moi sur ça je suis pas trop d'accord. Parce que moi, remaster, tu vois, ça me fait penser à... Alors ça a été marketé tel quel. Moi je sais que au tout début de l'ère PS4, ils avaient ressorti tous les Uncharted en version plus plus sur PS4. Ils avaient amélioré beaucoup de choses, surtout sur le premier Uncharted, si je dis pas de bêtises. Bon, ils avaient appelé ça remaster. Ils avaient retouché deux, trois petits trucs et tout. Bon. Ouais, voilà, là c'est un remaster. T'avais les compiles HD aussi déjà à l'époque sur PS3 qui reprenaient les jeux PS2. Exact. Tout fait sur une galette. Donc on est tous d'accord, en tout cas sur le mot remake. Ça, là-dessus, on sera tous d'accord, du coup. Bah, après, pour un remake, je sais pas, par exemple, Medieval. Pour vous, c'est un remake ou c'est un remaster? Ah non, c'est un remake, là. Pourtant, le jeu, c'est exactement le même. Pour moi, c'est un remaster. Ils ont juste touché au graphisme. Ils ont quand même refait le moteur. Tous les modèles 3D sont... Enfin, tout est nouveau, quoi, en fait. À part la base du jeu, qui est exactement la même. Visuellement, tout a été recréé. Visuellement, ouais. Mais en fait, il y a toujours autant de bugs. La caméra est toujours aux fraises. Et la maniabilité aussi. Donc, ça reste le jeu de base. Donc, mais plus beau. Donc là, c'est intéressant, en fait, c'est que remake, pour vous, ça induit forcément la modification du gameplay, pas que la robe visuelle, en fait. Pour moi, un remaster, c'est les graphismes, et remake, ça retouche profondément le jeu. D'accord. Machin truc, tu es d'accord avec cette définition ? Oui, moi j'avais une définition un petit peu plus globale. Pour moi, c'est un remake, c'est embellir le jeu d'origine, en lui apportant une petite touche de modernité, donc d'un point de vue graphisme et gameplay, mais aussi en rajoutant des choses qui avaient été prévues dès le départ, mais tu vois, qui ont été annulées par manque de temps ou par contrainte technique. Tu vois, si par exemple sur le dernier Resident Evil qui est sorti, sur le Resident Evil 2, t'as des scènes qui étaient du Resident Evil 1.5 qui étaient prévues, comme le chenille et le stand de tir, qui ont été intégrées dans le Resident Evil 2. Donc pour exact, moi, ça ouais, fait partie du... Un remake, voilà, c'est reprendre le jeu d'origine, une petite dose graphique, une petite dose de gameplay, on mélange le tout, puis voilà, quoi, ça nous fait une belle popote. Et toi, Mopral, du coup, t'es d'accord avec ça ? Pas entièrement. Moi, je fais plus la distinction sur le fait que ce soit un moteur différent, en fait. C'est-à-dire que si c'est un simple... C'est le même moteur, on va dire, mais ça a été juste transposé par émulation ou par autre chose sur une machine supérieure, pour moi, là, on est plus dans le remaster... Enfin, soit dans le portage... soit dans le remaster s'il y a une amélioration graphique, et s'il a dû le refaire, pour moi justement c'est le principe, c'est un remake, donc ils ont dû refaire le jeu avec un nouveau moteur, et voilà, peu importe même si le gameplay est exactement les mêmes, si c'est un moteur différent, pour moi c'est autre chose. Donc par exemple le Resident Evil, le Medieval, exactement, pour moi ça fait partie d'un remake, parce que c'est un nouveau moteur, donc effectivement peut-être que le jeu est le même, peut-être que les bugs sont les mêmes, mais pour moi les bugs, ils n'ont pas fait exprès, on va dire, de recopier les bugs, c'est juste que le moteur a recopié, on va dire, ces bugs-là, parce que voilà, le moteur était pourri, mais pour moi c'est, voilà, c'est un nouveau moteur, c'est un remake, c'est aussi simple que ça. C'est intéressant, c'est bien parce qu'il y a du débat. Moi, je suis d'accord avec ça aussi. Pour moi, Medieval, c'est un remake. Pour moi, Crash Team Racing, c'est un remake. Alors que c'est fondamentalement le même jeu. Je suis assez d'accord avec toi. Après, moi, je dirais justement qu'il y a deux types de remakes. Bon, là, on est en train de faire un arbre, il y a plein de branches, mais bon, chacun a sa petite version. Mais pour moi, il y a le remake, effectivement, qui reprend le jeu de A à Z. Donc là, Medieval, Crash Team Racing, comme je disais. Et il y a celui qui, quand même, transforme des choses. On a parlé de Resident Evil 2, on peut parler de Final Fantasy VII là, qui sortira en 2020. Ça, c'est des exemples aussi qui sont intéressants. Mais voilà, pour moi, sans aller déjà dans le gameplay, quand on refait un moteur, quand on recrée un moteur, pour moi, effectivement, on est déjà dans le remake, quoi. J'ai une petite question, moi. Ouais. Les reboots, on les considère comme des remakes ou pas ? Le reboot, on peut pas appeler ça un remake, pour moi. Non. Parce qu'on repart de zéro, en fait. L'histoire et le scénario de départ, c'est le même. Par exemple, toi, je pense au Tomb Raider. Tomb Raider, c'est pas du tout la même histoire. En fait, tout ce qui a été fait avant a été supprimé. Ouais, regarde l'anniversaire, Tomb Raider Anniversary, par exemple. L'anniversaire, ouais. Mais la nouvelle trilogie, c'est un reboot. Alors qu'à l'anniversaire, c'est plus un remake. Pour moi, l'anniversary, c'est le reboot de la deuxième trilogie. T'as le Legend Anniversary et t'as le dernier Underworld qui était sorti. Pour moi, c'est pas un reboot. Hein. Pour le coup, le Anniversary, c'est vraiment un remake. Ouais, pour moi aussi, c'est un remake. Le reboot, c'est vraiment celui là où Lara se prend des pieux 2013. Dans le corps à chaque pas. Ouais, je crois que c'est... Ouais, c'était sur l'île. Ils ont voulu essayer de rattraper un peu Uncharted, quoi. On parle bien de celui-là. Celui-là, pour moi, c'est vraiment un reboot. Quand Square Enix a repris Tomb Raider. Voilà, exactement. Oui, donc celui-là, pour moi, c'est... Effectivement, c'est plus un reboot. Enfin, c'est un reboot. Pour moi, un reboot, juste pour ce que j'en pense, c'est que tu gardes les mêmes personnages, tu gardes le même univers, et après, c'est le scénario qui va changer derrière, quoi. C'est comme si c'était un épisode après, sauf que ça s'intercale dans aucune des lignes temporelles qui s'est déjà passé dans le jeu, et du coup, bah, on remet tout à zéro et on repart comme si c'était rien passé. Mais c'est juste ça pour moi, reboot. Alors, le reboot, il y en a un, c'est DMC. Mais est-ce que c'est un reboot? Enfin, est-ce que ça reprend la même histoire qu'avant, celui-là, ou pas? Bon, en fait, avec DMC, ça repart à zéro. Ouais, mais du coup, c'est un reboot, on est d'accord. DMC, c'est un pur reboot. Hein. C'est un reboot qui, finalement, Capcom est reparti sur la timeline officielle, on va dire, de DMC dernièrement avec le 5. Du coup, maintenant, il est plus ou moins considéré comme un épisode parallèle, comme une sorte de spin-off. Effectivement, l'histoire avait été pas mal changée. Mais à l'époque où il a été vendu comme un reboot, effectivement. Donc bon, on va recentrer le débat sur les remakes, puisque effectivement, moi je suis d'accord, un reboot c'est pas un remake, quoi. Clairement, même si certains, on peut dire que la frontière est assez mince. Mais la grande question, c'est que est-ce que vous êtes consommateur de remake? Ça, c'est quand même la question. Maintenant qu'on s'est plus ou moins mis d'accord sur la définition, est-ce que le concept même de remake vous plaît? Est-ce que vous y jouez souvent? Machin truc. Oui, moi, j'en consomme beaucoup, hein, au point que quand j'ai dû faire un tri, j'ai dû bien chercher ou bien les mettre dans les cases. Mais c'est pareil, après, les remakes, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est une grande mode, mais ça a toujours existé dans le domaine du jeu vidéo. Donc, on a qu'à voir déjà les Super Mario All-Star qui étaient sortis sur Super NES. Vous avez quand même un remake du premier épisode dans la cartouche. Hein. Oui, des trois premiers même, oui, qui avaient été totalement refaits, effectivement. Mais effectivement. Ça, c'est plus un remaster. Ils avaient, de mémoire, j'avais modifié le gameplay pour que justement reprendre celui du dernier opus et le mettre sur les deux premiers. Il me semble que Mario 1 avait bien... Alors, il y avait peut-être un petit peu plus de souplesse dans le premier Mario, mais le gameplay de Mario 3, c'était bien celui-là. Mario USA, c'était exactement le même. Pour moi, c'était la même chose. Ouais, bon, faut dire qu'à l'époque, ces termes-là n'existaient pas de toute façon. On parlait de compilation, ouais, tout simplement, ou de portage. C'est un peu ce qui se passe en ce moment maintenant. Mais oui, parce qu'on a tendance à croire finalement que tout ça, c'est arrivé avec la génération HD, alors que ça a plus ou moins toujours existé, bien sûr. Mais on y prêtait peut-être moins attention, et peut-être parce qu'à l'époque, les jeux étaient peut-être moins refaits, moins sublimés, je ne sais pas. C'est une question intéressante, en tout cas. Si les remakes ont toujours été là, oui. Mais j'ai l'impression qu'on en parle surtout depuis la génération 360 PS3, en fait. Je pense qu'on en parle parce que le gap technique a été assez grand pour qu'on puisse vraiment voir la différence. Exactement, ouais. C'est sûr que quand tu refais un jeu PS1, enfin, moi, sur PS3, la différence, elle saute aux yeux. Enfin, en tout cas, donc toi, machin truc, tu me disais que tu joues à beaucoup de remakes. On va garder nos préférés, hein, pour un peu plus tard. T'es client, quoi. C'est que oui, on en a toujours mangé, et c'est surtout, ça a pas mal explosé au début des années 2000. Il y a eu des remakes qui ont été, qui ont lancé une mode, on va dire. Donc, je pense notamment au premier Resident Evil qui a été refait sur GameCube, où ça a quand même été une sacrée claque, quoi. Donc, à partir de là, grâce au gap graphique, et aussi que, ben, au fur et à mesure, on grandit, on a plus de monnaie, il y a plus facilité de se faire plaisir, donc de remplir sa vidéothèque. On en reparlera tout à l'heure, hein, très certainement, hein. C'est même obligatoire, je pense, du remake de Resident Evil, parce que pour moi, il y a eu vraiment un... Voilà, c'est quand même une date dans l'histoire des remakes. Toi, Crocodine, le remake, est-ce que tu es client, ou est-ce que tu as l'impression qu'on va te revendre le même jeu et te faire un peu avoir, ou ça te pose pas de soucis, tu consommes régulièrement des remakes? Alors moi, les remakes, oui, carrément. J'y joue même beaucoup. Par contre, un peu moins au niveau des remasters. Et ouais, pour revenir sur Resident Evil, il va y avoir débat. Mais c'est intéressant. Justement, c'est pour ça qu'on est là. Toi, Mopral? Oui, bah totalement. Je suis pour les remakes. Hein. Aucun souci à ce niveau-là. Je crois que je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais moi, j'aime bien les vieux jeux. Enfin, voilà, redécouvrir ce que j'aurais pu louper. Et c'est vrai que pour le coup, il y en a certains qui sont vraiment injouables de nos jours. Encore une fois, l'exemple Resident Evil, moi, sur PS1, je peux pas. C'est vraiment trop difficile. Et j'ai vraiment accueilli avec grand plaisir justement ce remake sur GameCube que j'ai pu faire des années plus tard, et que même s'il est pas parfait, même si déjà il a vieilli, ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a permis de découvrir la série. Donc il y a aucun souci, les remakes, je suis complètement pour dans la mesure où c'est bien fait, quoi. Ok, bon, moi c'est pareil, hein, je suis assez assez client, en fait, surtout si j'ai connu le jeu à l'époque, on va pas se le cacher. Par contre, ça peut permettre aussi de découvrir, si je suis d'accord avec toi, des jeux qui peut-être... Alors, après, tout dépend qu'on a découvert les 10 jeux, quoi. Moi, c'est sûr que Resident Evil, j'aime beaucoup rejouer au premier original parce que je l'ai découvert à l'époque, donc ça me pose moins de soucis. J'ai... Je m'y balade un petit peu comme un poisson dans l'eau, mais bon, j'imagine que pour celui qui l'a pas découvert à l'époque, les mouvements un peu tank, tout ça, c'est un peu compliqué. Est-ce que pour vous, il y a justement le bon et le mauvais remake? On va peut-être donner nos exemples, puisque là, on commence à parler de certains jeux depuis tout à l'heure. On va commencer tout de suite avec Resident Evil. Donc, Resident Evil a été remaké par Shinji Mikami himself, donc sur GameCube. À l'époque, c'est vrai qu'on le ressort souvent comme un exemple parfait. Maintenant, c'est peut-être un peu galvaudé de dire ça, mais en tout cas, c'était un exemple absolument grandiose, en tout cas, je le pense, de ce que doit être un remake. Et toi, tu me disais que Crocodile, qu'il y allait y avoir débat. T'es peut-être pas complètement d'accord avec ça? Bah en fait, Resident Evil, le Rebirth, pour moi, c'est un de mes jeux cultes. D'accord, Mais pour d'accord. moi, il orne plus du côté du remaster que du remake. Parce qu'en fait, le manoir reste le même. Ils ont juste rajouté des pièces qui manquaient à l'époque. Enfin, qu'ils auraient voulu rajouter. Par contre, ils avaient comme rajouté des petites features de gameplay. Alors, peut-être que tu vas me dire que c'est accessoire tout ça. Mais le coup des couteaux, le coup des Crimson Head. La maniabilité a été améliorée, ça c'est vrai. Mais le jeu en lui-même reste le même par rapport à la version PS1. Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Ils ont rajouté comme des trucs, c'est-à-dire t'avais ce fameux couteau que tu pouvais planter comment sur les zombies, t'avais ces fameux zombies qui se réveillaient, donc les Crimson Head, si tu les cramais pas, il fallait cramer les zomblards, sinon ils se réveillaient, puis c'était 2 fois plus rapide et hargneux. Il y a les nouvelles pièces, effectivement, comme tu le disais. La façon dont la mise en scène était faite, je trouve que là on était vraiment dans le remake, quoi. C'était vraiment une réinterprétation totale du manoir. Donc moi, clairement, pour moi, c'est un remake. Donc toi, machin truc, tu disais que t'étais pas totalement d'accord avec D'accord avec Crocodile, c'est Crocodile, ça? c'est ça? Ah, moi, ça m'est complet, même les énigmes. T'as des énigmes dans l'inventaire que t'avais pas du tout sur PS1. Ils ont changé certaines énigmes justement pour pas que le joueur qui connaît le jeu par cœur s'en sorte du premier coup. Mais pour moi, ça reste un remaster largement amélioré par rapport à d'autres, mais pas comparable par rapport à ce qu'ils ont fait avec Resident Evil 2, où là, ils ont complètement changé le système du jeu. Me prends le pardon, ce remake de Resident Evil, pour toi, on est dans le pur remake? Bah, c'est fidèle La à la réponse est dans la description. question. Voilà, exactement. Non, mais ça correspond, on va dire, à la définition que moi j'en ai eue. On a changé de moteur, donc à partir de là, ils ont dû refaire le jeu. Donc pour moi, on est vraiment dans le remake. Bah, j'ai pas connu la version originale, hein, donc je peux pas dire les différences. Voilà, je suis pas aussi précis que vous, mais voilà, vraiment pour moi, c'est moteur différent, c'est un remake, et puis je me pose pas plus de questions que ça. Est-ce que vous avez, Crocodine, est-ce que toi tu as un exemple pour toi d'un remake vraiment qui te semble hyper légitime de s'appeler remake tout simplement et que tu trouves très bon? Un super remake. Bon, avec, Un remake dans le sens où toi tu l'entends. moi, je dirais Resident Evil 2. Pour le coup, c'est vrai que c'est un exemple implacable. Et peut-être un peu plus vieux que ça, non? T'en as pas un qui te vient en tête Il y en a certains, il y a Shadow of Colossus, mais c'est surtout au niveau graphique qu'ils ont amélioré ça. Et aussi un peu la maniabilité, il y a Oddworld, il y a Wonder Boy. Là, pour le coup, c'est un le Dragon Strap. C'est un remaster. C'est plus un remaster qu'un remake. Ah, pour toi, c'est un remaster, tu vois, moi je le mettrais dans les remakes, moi. Ah non, parce qu'en fait, à tout moment, tu peux passer de la version originale Ouais, à la nouvelle version. je sais, non, mais je dis pas que c'est simple en fait, hein. Je suis d'accord avec toi, mais le fait comment il était refait, comment il était assoupli sur pas mal de choses aussi, c'est vrai que moi j'aurais tendance à le mettre dans la case remake. Vous l'avez fait, Mopral, machin truc 76, Dragon Strap? Ouais. On en avait parlé, je me rappelle. Moi, ce serait un remake pour moi, perso. Enfin, je sais pas si en fait si ça a été refait derrière, mais pour moi, ils ont dû retravailler le jeu original, comme tu dis, pour assouplir. Donc à partir de là, ouais, je le mettrais dans les remakes. Et toi, machin truc, tu l'avais fait, Dragon Strap? Hein. Non, je l'ai pas fait, manque de temps et après c'est comme tout, hein. On peut pas tout faire en même temps non plus, donc je suis passé à côté. Mais D'accord. il est dans ma to-do list. T'as vu un peu le principe de je suppose que tu as vachement suivi l'affaire. Et pour toi, on est dans du remake ou dans du remaster là pour le coup? C'est pour moi on est dans du remake, parce que d'un point de vue graphisme, mais je crois qu'aussi la difficulté a été un petit peu assouplie. Et le travail était tellement magnifique que pour moi je le considère comme un remake. Et pour faire un petit clin d'œil à Lina Nounette, je le ferai sur Switch. Tu as bien raison. Pas, vous n'avez pas d'autres exemples de. Alors, Resident Evil 2 revient souvent. Et moi, pareil, ça a été un bonheur de le redécouvrir comme ça. Là, pour le coup, on est sur du remake à 10 000%. Vous n'avez pas d'autres exemples de remake qui vous auraient. Alors, sans parler d'exemples qui vous viennent en tête, mais en tout cas de remake qui vous a tout simplement marqué, que vous avez adoré? Yakuza Kiwami, tout simplement. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Bruno, là-dessus. Enfin, je sais pas si tu l'as fait du coup, Yakuza Kiwami, mais pour moi, c'est un remake, clairement, du jeu PS2, où ils ont rajouté énormément de contenu, énormément de trucs. Et c'est vraiment le jeu qui m'a mis le pied à l'étrier sur la série. Et voilà, vraiment, pour moi, c'est vraiment un super remake. Ils ont rendu le truc extra, avec des graphismes au goût du jour. Je pense que ça a vraiment en plus fait beaucoup de bien à la série. Donc pour moi, c'est aussi le but d'un remake, hein, c'est de faire découvrir une série en les mettant au standard du jour. Bah voilà, pour moi, Yakuza Kiwami, c'est un des meilleurs remakes qui a été fait. Je suis d'accord. Bon, alors, j'ai pas eu l'occasion de le faire, faute de temps malheureusement. Mais oui, effectivement, tu as raison, parce que là, enfin, ils ont le moteur. C'est celui d'ailleurs, bah, donc des derniers Yakuza qui a été utilisé, si je dis pas de bêtises. Donc les modèles ont été refaits. Oui, donc là, pour moi, on est dans du remake total. Et même au niveau contenu édito, il y a pas mal de choses de plus. On en a pas mal parlé dans cette émission. Donc là, ouais, pour moi, c'est clairement un remake. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Machin truc, toi, un remake qui t'aurait kiffé, quoi, récemment. Un remake que j'aurais toujours voulu faire mais que j'ai pas pu par manque de temps, c'est le DuckTales qui a été refait dernièrement. Ah oui, j'avais beaucoup aimé, moi. Ah, il était très bon celui-là. Là, on a un très bon exemple de remake. Il me semble qu'il y a eu un souci, ils l'ont retiré de Steam, je crois, il y a quelques mois de ça, si je dis pas de bêtises. Ah, c'était un peu comme le remake de Castle of Illusion aussi qui a été enlevé et remis après peut-être, je sais plus. Moi, j'ai la chance de toujours les avoir sur PS3, donc ces deux-là, parce que le remake de Castle of Illusion, bon, la version Mega Drive, c'est vraiment un jeu culte pour moi, et même si bien sûr, pour moi, le remake reste en dessous, c'était vraiment du super boulot, quoi. C'était vraiment du super boulot. Donc, ouais, puis suite DuckTales, c'était très très bien. C'était très très bien aussi. Je suis étonné, vous citez pas le Link's Awakening qui est sorti sur Switch il y a peu de temps. Et oui, bah c'est la fatigue, bon pauvre, c'est la fatigue. Mais tu as raison. Il est très très bon en plus. Il est vraiment, en plus d'être vraiment choupi comme il faut, voilà, très très joli. Il est très bien. Et moi, c'est ma copine qui a joué. Du coup, elle a découvert parce qu'elle connaissait pas et vraiment, elle a beaucoup apprécié. Voilà, pour moi, c'est un remake pour le coup, encore une fois. Ah bah là oui quand même. Bah là changement de moteur quoi. Selon ton point de vue, enfin selon ton opinion, enfin de ce que doit être un remake, Crocodine, est-ce que pour toi Link's Awakening, on est dans le remake ou dans le remaster du coup? Alors pour moi, ce jeu-là, c'est un remaster. Ça peut pas être un remake parce que en fait, c'est Je exactement connaissais le ta même jeu. réponse. Je connais le jeu par cœur sur Game Boy et je l'ai fait juste avant. Et bah, en fait, j'ai même pas fini le jeu parce que bah, je le connaissais déjà et tout ce que j'ai fait, bah, voilà. Ouais, il y a vraiment aucune différence. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire encore. Je connais très Très bien très la peu. version Game Boy aussi. Il y en a très très très peu. C'est a priori de ce que j'ai pu en voir aussi, c'est limite on retrouve le caillou exactement au même endroit, le même brin d'herbe. Alors c'est pas exactement ça parce qu'il y en a quand même quelques-unes, mais c'est vrai que c'est pas non plus flagrant. Voilà, si t'as fait les deux jeux, tu verras pas les différences à moins de les analyser à la loupe quoi. D'accord, ok. Alors faut laisser comme moi, j'ai laissé vraiment les années. C'est un des Zelda que j'ai le moins refait. Pourtant, paradoxalement, c'est un de mes préférés. Faut laisser peut-être les souvenirs un peu s'évaporer pour pouvoir ne pas avoir cette impression de refaire un calque total du jeu, quoi. Ouais, mais il y a certains jeux, en fait, on les refait tous les ans. Bah c'est ça le problème. C'est un peu. Mais moi, ça m'a pas empêché. Par exemple, Resident Evil 2. Alors je le refais peut-être pas tous les ans, mais régulièrement, parce que c'est vraiment un de mes Resident Evil préférés avec le 1. Donc. C'est pareil. Et je refais les versions PS1 très souvent. Et c'est vrai que le 2, bah là pour le coup, comme on est vraiment dans le chamboulement total, quoi, dans la recréation totale, non seulement j'ai adoré arpenter le commissariat, bah là sous ce nouvel angle, et voir un petit peu aussi, c'est le jeu des différences, quoi, par rapport au jeu original, qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qu'ils ont. Il y a un exemple qui me vient en tête, je reviens sur le Resident Evil premier du nom, enfin le remake GameCube, je sais pas si vous vous souvenez, la petite variation sur les chiens. Oui, Voilà, on s'attend à ce qu'il voilà. sorte, mais pas du tout. C'est au prochain passage. C'est le fait qu'il se pète contre la vitre. Dans le remake GameCube, je trouvais ça absolument génial, quoi. Voilà, de détourner une des scènes les plus célèbres du JV, quoi. C'est marrant de jouer avec ça. Et dans Resident Evil 2, alors tous les exemples me reviennent pas en tête avec le jeu original. Et puis des clins d'œil aussi. C'est ça qui est intéressant dans les remakes, c'est les clins d'œil aux fans en disant toi, tu sens que derrière l'équipe te dit voilà, toi tu verras la différence, toi tu comprendras le petit machin. Et c'est toujours agréable, quoi. Donc ce qui n'est pas le cas de Zelda, donc du coup visiblement c'est vraiment c'est une copie carbone, quoi. Ah, pour moi, oui. Et je trouve que Nintendo s'est pas trop foulé là-dessus. Bah, dans l'idée, oui, enfin, Moi, de ce que j'en ai entendu, je connais pas trop hein, la version Game Boy, mais de ce que j'en ai vu, entendu, effectivement, a priori, c'est pas la même chose. Enfin, pardon, c'est l'inverse, c'est la même chose. Mais bon, moi, je pense quand même qu'il y a eu un effort de fait. Encore une fois, ils ont pas fait un copier-coller, ils ont dû travailler dessus, ils ont dû refaire le moteur, ils ont dû refaire les graphismes, tout. Et voilà. Encore une fois, c'est selon ma définition, mais pour moi, ça mérite au moins que ce soit appelé un remake, parce que c'est pas juste un upgrade graphique où ils ont changé, tiens, hop, Zelda, maintenant c'est Zelda HD, point PNG, et puis hop, ça y est, il est joli, quoi. C'est vraiment, ils ont dû retravailler dessus. C'est un peu comme le Zelda sur 3DS, le Between Worlds. Il reprend la base de Link to the Past, mais en améliorant certaines choses et un nouveau gameplay. Pour moi, c'est même pas le même jeu. Pour le coup, là, c'est deux jeux différents. Mais ça reprend quand même la base de Link to the Past. Oui, bien sûr, mais alors là, dans ce cas, si on retourne encore un peu, on se décale, mais pour moi, ce serait plus dans ce cas, dans l'ordre du reboot, plus que du remake ou du remaster. Là où vraiment le Link's Awakening, c'est effectivement c'est le même jeu, mais le fait d'avoir tout à refaire, et je pense que c'est un choix de leur part, justement, d'avoir fait exactement la même chose, alors par fainéantise ou par respect pour les fans, ça je sais pas, mais pour moi, c'est pas dépendant du fait qu'on l'appelle un remaster, enfin, ça devrait être appelé un remake pour moi. Si je dis pas de bêtises, je crois que Between Worlds, qui est fabuleux, hein, qui est vraiment fabuleux. Alors pour moi, là, c'est carrément pas un remake, pas un reboot ou quoi que ce soit. C'est vraiment un jeu à part entière, alors qui reprend visuellement la patte Zelda 3. Mais il me semble qu'au Japon, il se nomme A Link to the Past 2. Je vais aller vérifier ça pendant que quelqu'un va parler, si vous voulez, je sais pas, mais il me semble qu'au Japon, il l'avait nommé comme ça. Alors, je dis peut-être une grosse connerie. J'ai un gros doute. Toi, machin truc, tu l'as vu le. Il t'intéresse ce remake de Link's Awakening sur Switch? Oui, il m'intéresse, mais après, c'est le problème, c'est le manque de temps. Puis entre-temps, j'ai un petit manque de concentration sur les jeux vidéo. C'est que je dis, bon, je vais faire celui-là, puis t'as un autre qui apparaît en promotion, donc je me laisse facilement distraire. Et pour toi, c'est un. Je vais regarder en parallèle le titre japonais Je de viens de Between vérifier, Worlds. hein. Ah, d'accord, ouais, t'es plus rapide que moi, je viens Et d'ouvrir mon ouais. onglet. C'est la légende de Zelda, la Triforce des Dieux 2. Qui s'appelle au Japon. Et je suppose que le 3, justement, ça devait être la Triforce des Oui. Dieux 1. Enfin, le Triforce des Dieux, quoi. Oui, donc c'est vraiment. Il a été vendu vraiment comme une suite de Link to the Past, en fait, quoi. C'est assez marrant. Alors chez nous, on y a complètement échappé. Et pour la petite anecdote, pour le petit trivia, c'est exactement l'inverse pour Yoshi's Island, qui a été vendu en Occident en tant que Super Mario World 2. Et je me suis aperçu, alors pourtant fan de Mario que je suis, c'est quelle honte, mais je me suis aperçu que très récemment, grâce à l'encyclopédie Mario, vous savez, qui est sortie chez nous, et ben, il n'y a qu'en Occident que Yoshi's Island s'appelle Super Mario World 2 au Japon. Yoshi's Island ne fait pas partie de la série canonique des Super Mario, en fait. C'est un spin-off Yoshi. Et ça m'a. Alors, peut-être, si on n'est pas fan de Mario, vous allez me dire, on n'en a rien à secouer. Mais quand on est fan de Mario, je trouve que c'est une information quand même très importante. Et voilà. Et donc, c'est marrant, avec Zelda, c'est un petit peu l'inverse. Donc, du coup, voilà, bah, on a la confirmation que pour ce Link's Awakening, donc, qui pour moi est un remake. Donc, pour toi, Crocodine, c'est un remaster. Pour toi, Mopral, c'est un remake. Oui. Et pour toi, machin truc, c'est un. C'est un remake aussi. Donc le remake l'emporte. Les Game & Watch qu'ils ont ressorti ensuite sur Game Boy, on considère ça comment? Bonne question. Bon, ben on va conclure ce débat ici, hein. C'était très C'est bien. un petit peu le cul entre chaises, là, du coup, ouais, effectivement. Bah, pour moi, c'est quand même un. C'est pas la même techno. Ouais, je dirais un petit remake, mais. Parce que t'as eu des Ouais, modes bon. de jeu avec des personnages de Mario à la place de Monsieur Game & Watch, t'as eu pas mal de petits trucs comme ça supplémentaires. Ouais, pour moi, ça, c'est comme un remake, là. Donc c'est pour ça, c'est le genre de question où, que je me suis posé, que j'ai pas forcément mis dans le Trello, mais que je me suis dit, ce serait peut-être bien d'en discuter aussi rapidement Sais pas live. ce qu'en pensent les autres, mais pour moi, ouais, c'est un. Voilà, un remake. Remake. Alors là, du coup, t'es d'accord pour que ce soit un remake, alors que potentiellement c'est quasiment le même jeu à part le graphisme qui change, et le gameplay exactement le même. Bah, je vous suis, mais j'avoue, j'ai jamais joué à ça. D'accord. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas plus bête niveau gameplay, il n'y a pas d'histoire. Enfin, voilà, on retrouve vraiment le même jeu copie carbone, mais effectivement, ça, voilà, c'est pas du tout la même technologie derrière, ces mêmes modes-là. Après, on peut parler d'autres remasters ou remakes du style Toki. Je l'avais Ah mis oui. dans ma liste, moi. Oui, bonne idée, Toki, oui, effectivement. Bah là, pour moi, c'est du remake. Alors, ok, c'est le même gameplay, donc je suis sûr que Crocodile, tu vas nous dire que c'est un. Enfin, que tu penses que c'est un remaster, du coup, pour toi. Non, pour moi, Toki, ouais, c'est vraiment un remake. Est-ce que la maniabilité a été refaite, tout ça, entièrement. Je te comprends plus, hein. Je suis désolé, j'arrive plus à comprendre. Malgré la difficulté qui est restée à peu près la même. Ouais, effectivement. Mais après, ça, Toki, après, c'est différent parce que ça reste un jeu d'arcade. Oui, mais il y a eu des adaptations sur PC ou ce genre de choses. Donc, est-ce qu'on peut pas considérer que ce serait un remake des adaptations PC déjà, par exemple? La technologie pour faire Toki, déjà, du jeu d'arcade à l'Amiga, moi j'en avais discuté avec Philippe Dessoli. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il balançait le jeu et toutes les 30 secondes, il faisait des temps d'arrêt pour reprendre les captures à l'air dessiné à la main. Après, sachant que là, sur Toki, tous les dessins, ça a été des dessins assistés par ordinateur. La technologie, elle est totalement différente. Le type de jeu aussi, parce que c'est un jeu Switch, donc adapté au mode nomade. Après, il a été transcrit bête et méchant, donc pas simple à classer comme ça en première vue. Bah pour moi, en fait, il y a plusieurs catégories de remaster et de remake. Ah, pour moi, là, c'est clairement un remake, puisque tout a été, entre guillemets, redessiné. Du coup, pour moi, là, on est vraiment dans le remake, même si la base de gameplay reste identique. Après, c'est toujours pareil, c'est deux visions qui s'affrontent depuis le début de l'émission, en fait. Quoi. C'est si on change ou pas le gameplay, là, effectivement, le gameplay est quasiment le même. Alors, j'ai pas eu l'occasion vraiment d'y jouer, hein, mais pour moi, c'est un remake, parce que le jeu a complètement été refait, quoi. Enfin, que ce soit au niveau visuel ou musical, il a complètement été refait. On n'est plus du tout sur le même moteur, on n'est plus du tout sur la même techno, on n'est plus du tout sur le même type de rendu. Donc là, pour moi, on est dans du remake pur jus. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous l'avez fait, Toki, d'ailleurs ? Vous l'avez tous acheté ? Je ne l'ai pas acheté parce qu'on me l'a offert pour que je puisse faire un article, mais je l'ai fait. Je l'avais précommandé 6 mois avant qu'il arrive, donc j'ai reçu Day One. Ah, moi, je l'ai juste testé chez un pote. Dans la série des petits jeux comme ça, où moi j'avais un doute aussi, c'était le Monkey Island qui est sorti sur PS3 dans un compil Monkey Island 1 et 2, où je sais pas trop forcément le placer, remake ou remaster. Oui, où tu peux changer à la volée du visuel moderne et le rendu original en pixel art. Voilà, ouais, un peu comme on parlait du jeu d'aventure tout à l'heure, Wonder Boy. Un peu dans le même principe. Ouais, comme Wonder Boy. C'est vrai que la question peut se poser, quoi. Moi, c'est vrai que j'aurais tendance, quand je vois la version moderne, à parler remake. La question peut se poser, effectivement. C'est vu que tu peux changer à la volée, que le gameplay reste le même. Ce qu'on disait tout à l'heure pour Dragon's Trap, que je considère pourtant comme un remake. Effectivement, c'est pas si simple. Donc pour toi, ce serait la plus une sorte de remaster. Un petit remaster 2.0, quoi. D'ailleurs, j'aime bien, moi, cette techno de pouvoir switcher de la version originale d'un jeu à un rendu plus moderne. Je trouve ça vraiment, vraiment très sympathique, quoi. C'est un chouette clin d'œil. Hein. Ouais, c'est clair. D'autres exemples, non, messieurs, de remake qui, avant peut-être de passer à la thématique suivante par rapport au débat, mais Je peux en citer un. Alors pareil, là, ça risque de faire un peu débat, mais j'aurais dit le Pokémon Let's Go Pikachu sur Switch, parce que du coup ça reprend vraiment le même univers, ça reprend les mêmes graphismes, enfin pas les mêmes graphismes, pardon, les mêmes personnages, plus ou moins les mêmes gameplay, mais pas exactement. Justement, la formule a été un petit peu simplifiée, donc est-ce qu'on peut le considérer comme un remake? Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais c'est pareil, ça peut vraiment faire débat, parce que c'est pas exactement le même jeu non plus, la base est pas exactement la même, quoi. T'avais l'air d'accord, Crocodile, non, là-dessus? Bah pour moi, en fait, celui-là, il a été beaucoup trop simplifié, en fait. Il n'y a plus aucun combat dans ce jeu-là. Il y en a quand même, un petit peu. Ouais, mais là, en fait, la chasse, au niveau de la chasse des Pokémon, oui. T'as juste à envoyer ta Pokéball, et puis bon, bah voilà, c'est réglé. Alors moi, je suis pas assez spécialiste en Pokémon là pour vous suivre sur ce terrain-là. Mais du coup, Crocodile, tu le considères comme un remake ou pas du tout, le Pokémon Let's Go Pikachu? Franchement, pour celui-là, c'est assez compliqué, parce que bon, je l'ai testé, et j'ai été jusqu'au troisième badge, et en fait, j'ai arrêté parce que pour moi, c'était pas du tout intéressant. Parce que moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la chasse des Pokémon. Ouais, mais par contre, si je fais ta définition, on a changé les graphismes, on a changé le gameplay, justement, assez pour que ce soit pas juste des petits détails. Donc potentiellement, on serait, selon ta définition, dans le remake. Après, il t'a pas plu, mais c'est autre chose. Potentiellement, oui, on se rapproche plus du remake. D'accord. Ok, je comprends un peu mieux, on va dire, comment toi tu vois les remakes et les remasters, où tu fais la, La différence, ok. Mais attendez, pour vous, ce serait un remake parce que, alors même si je ne suis pas joueur de Pokémon, il me semble, si je ne dis pas de conneries, que ce Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, ça reprenait les bases de Pokémon en les simplifiant à mort et en mettant un peu de Pokémon Go dedans, enfin, en s'inspirant aussi un petit peu Pokémon Go, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, donc pour vous, ce serait un remake de quel jeu du Pokémon classique, mais dans une version un peu plus light? Ouais, du jaune normalement, si on veut être précis. Ouais, voilà, celui de sur la Game Boy, le rouge et le bleu de souvenir. J'aurais même dit le jaune, moi, en fait, le suivant avec le Pokémon qui te suit, tu vois. Bon, après, là, c'est Bah, des erreurs. le jaune, c'était la version avec Pikachu. Ouais, c'est ça. Bah, justement, c'est pour ça, Let's Go Pikachu, tu vois. Pour moi, ça collait, on va dire, dans la ligne. Mais après, ça, c'est, je chipote un peu. D'accord, ok, bah c'est intéressant en tout cas, parce que moi je l'ai, bah, n'étant pas connaisseur en jeu Pokémon, je voyais pas du tout comme ça. Donc c'est un remake qui ne dit pas son nom finalement. Voilà, c'est ça. Ok, c'est intéressant. Vous avez d'autres titres d'autres remakes? Je suis sûr que j'en avais Alors, pensé. il y en a Ah, un qui a fait ah. polémique, Secret of Mana. Oh là là là là là, mon Dieu, oui. J'ai pas osé me le procurer, j'aime tellement le jeu original que j'ai eu très peur. Tu l'as essayé, Ouais, Crocodile? moi, on me l'a prêté, je crois que j'ai joué 1 heure, pas plus. Tu étais fan du jeu original? Ah ouais, c'est aussi un des jeux que je refais régulièrement. Ouais, donc ça, moi je sais que les vidéos elles m'ont fait très mal. Hein. Enfin, la première bande-annonce, j'ai. Oh! Et là, même les musiques ne t'ont pas porté au-delà des quelques heures, quoi. Non, non, pas du tout. Ok, ça c'est vrai que. D'ailleurs, ça me fait penser à comment un petit angle de réflexion comme ça que j'ai pas mis dans le conducteur, mais j'ai l'impression que, en tout cas récemment, il y a quand même plusieurs grosses boîtes qui n'arrivent pas, même en reméquant leur classique, à faire quelque chose de bien, quoi. C'est assez terrible. Et parfois, il faut attendre des fans de l'étranger, ben, un peu comme ce qui se passe en France. Hein, on parlait de Dragonstrap. Il y a beaucoup de remakes ou de suites de licences cultes qui sont faites par des Français. C'est assez marrant. J'ai l'impression que certains gros éditeurs n'arrivent pas à rendre honneur à leur propre licence, quoi. Et c'est vrai que là, Square Enix, sur le coup de Secret of Mana, alors je me doute que l'enveloppe, elle devait pas être bien grosse pour faire ce remake. Ça se voit de toute façon. Mais bon, c'est quand même triste, quoi. Secret of Mana, messieurs, d'autres l'ont essayé ou pas? Non, je connais aucun des deux, ni la base, ni le remake. J'ai joué un petit D'accord. peu à la version en mobile de la version SNES qui était pas trop mal. Mais par contre, c'est pareil, moi quand j'ai vu les visuels, parce que la version PS4, j'ai pas accroché tout de suite. Hein. Et apparemment, il y a même les mêmes bugs qu'il y avait à l'époque, c'est que tu peux pas avoir plus de trois ennemis affichés à l'écran, sinon le jeu plante. Enfin, c'est le même problème sur PS4. Trois ennemis à l'écran, le jeu plante. Je me Faut pas souviens se pas de ce souvenir. bug sur Super NES, mais bon. Enfin, tu peux pas en afficher plus de 4 personnages à la fois à l'écran, d'un point de vue. Enfin, c'était la limite technique à l'époque de la machine, et sur PS4, t'as le même souci. Pas de souvenir de ça sur Super NES. T'avais pas mal de. Alors parfois ça faisait ramer un petit peu, mais t'avais comme des écrans où t'avais comme quelques. T'avais plus que Bah, ça. surtout dans les Plus derniers que ça. niveaux. Ouais. Donc. Enfin bon. Ça n'empêche pas que de toute façon le remake avait pas une tronche effectivement très très sexy. Parfois il vaut mieux passer outre et puis rejouer au jeu original. Ouais, c'est carrément mieux. Mais ouais, c'est quand même triste quoi. Voilà. Là, en parlant de la grande période de Squaresoft, d'ailleurs au moment où on enregistre, je sais même pas si c'est sorti. Parce que moi j'aimais beaucoup Romancing Saga 3 que j'avais acheté en import sur Super Famicom à l'époque, qui là, bon là c'est clairement plus un remaster, là, on est d'accord, c'est pas un remake, qui sort là ces jours-ci, il est un peu lifté, ils ont un peu refait les graphismes, enfin c'est globalement le même jeu, ça reste en Ça reste. 2D, alors, je sais pas si vous avez vu ça. Je crois qu'il est sur le store de la Switch. Je l'ai vu hier, je crois. Ouais, il me semble qu'il est sorti ces jours-ci et le manque de temps fera que j'ai pas le temps d'y jeter un œil avant très très très très très longtemps. Ok, d'autres exemples, messieurs, où on passe à la suite? J'en ai un vite Voilà. fait que j'ai trouvé, juste parce qu'il est rigolo, c'est le remake qu'il y a eu sur Wii de GoldenEye. Alors, moi je l'ai pas vu. Oh oui, je me souviens de ça. Ça pète un Voilà. naufrage, cette histoire. Exactement, ça n'a pas été terrible, terrible, alors, parce que déjà la version de base a été vraiment pour beaucoup excellente. Alors quand ils l'ont sorti sur Wii avec la maniabilité Wii, c'était voilà, c'était pas terrible. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup ils ont fait un remake pour moi de GoldenEye sur Wii, et ensuite ils ont fait un remaster du GoldenEye Wii sur PS3 et Xbox 360. Donc ils ont fait Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. et ça m'avait marqué parce que justement moi j'attendais vraiment ce jeu, parce que je suis un grand fan de GoldenEye, hein, et bah là j'ai vraiment été complètement déçu par ce truc. Et je pense que comme tu disais, c'est Il y en a qui n'arrivent pas à faire des propres remakes. Alors, je sais pas si c'était le même studio, hein, c'est pas sûr là pour le coup. Et ça me rappelle un truc, je crois que c'était un animateur de Gamekult qui avait dit ça, mais je suis plus trop sûr, qui disait que en fait, il faut faire un jeu pas comme il était à l'époque, mais comme les joueurs s'en souviennent qu'il était à l'époque. Et c'est toute la différence qu'il y a sur la plupart des remakes, c'est qu'ils font un copier-coller en mettant juste justement les graphismes au goût du jour, donc ce qu'on pourrait appeler, selon toi, Crocodile, un remaster. Et bah du coup, ils oublient complètement de changer le gameplay, de l'adapter avec les normes de l'époque, quoi. Oui, c'est intéressant ça, c'est le fait de l'améliorer, toi tu le reprends en main, tu restes sur tes souvenirs et t'as l'impression de jouer au même jeu. Alors que finalement non, ça a été assoupli, mais limite tu t'en rends pas compte. Que si tu remets brut de décoffrage le même gameplay, là tu te prends le mur du temps en pleine gueule, et là effectivement c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai une question aussi sur les jeux où les situer. C'était les Kingdom Hearts. Oh bah là on est dans du Alors, c'est compliqué. Parce que t'en as qui ont été pour moi qui tombent là carrément sous le coup du remaster. Les compiles, les nombreuses compiles qu'ils ont fait, mais tu as des. Dans ces compiles-là, tu as. Alors si je dis pas de bêtises, alors c'est plus Natacha hein, qui est spécialiste au Kingdom Hearts, parce que moi, Kingdom Hearts, j'ai une histoire très compliquée avec cette saga. Mais tu as des épisodes GBA ou DS qui ont été refaits carrément Ouais. en 3D. Donc là, on peut parler Chain de of remake. Memory. C'est le Chain of Exactement. Memory. Ouais, donc là on peut parler de remake pour le coup, parce que là ils l'ont complètement refait en 3D alors que le jeu est en 2D sur une console portable. Pour moi, oui, en tout cas. Nous, on est de l'école du changement de moteur, à peu près Exactement. Nous, on est du bon côté de la rivière, tu vois. là. Mais je dis pas qu'il y a de bon ou de mauvais côté, mais Non, bon, c'est ça. c'est vrai qu'on là-dessus on est d'accord. Alors peut-être toi, Crocodine, tu auras un avis différent, puisque alors je peux pas dire quelle différence il y a. Nat aurait pu répondre, mais Alors là, je peux pas te dire parce que je ne joue pas à ce jeu. Je Très peux pas compliqué, donner. très compliqué. Ouais. Rien que l'histoire, déjà, tu te perds. Et de mémoire, hein, je dis ça vraiment, je me trompe peut-être parce que je suis pas un grand fan de la série, mais je crois que sur GBA, c'était de la 3D isométrique, donc Oui. vue un peu de côté. Là où vraiment, ils ont refait tout en 3D, complètement en 3 dimensions, sur la PS, alors ça devait être la PS2, PS3, enfin voilà, toutes les qui ont Je crois que suivi. ça devait être PS. Oh, enfin, je dis ça. Il y en a eu tellement. Je dirais PS3 pour la première version, Voilà. mais. Wikipédia me dit PlayStation 2, mais c'est peut-être qu'au Japon, donc voilà, c'est assez particulier. Peut-être. Mais voilà, je crois que c'est ça la différence qu'il y a eu, c'est vraiment le passage de la 2,5D à la 3D. Qui là pour le coup bah, change quand même beaucoup de choses quoi donc effectivement et ça c'est vrai que c'est un cas intéressant puisque on trouve dans ces compiles donc ce qu'on peut apparenter à un remake puisque là c'est un jeu GBA qui est refait en 3D et t'as les remasters des jeux PS2 dessus donc c'est assez intéressant ouais tu t'as un peu de tout quoi en fait. C'est un gros melting pot, ouais, et c'est le genre de jeu, hein, enfin de jeu de licence qui est un peu piège. C'est-à-dire Bah c'est que tu sais pas forcément où le placer, vu que généralement ils te vendent des galettes où t'as 56 jeux dedans et oui, à la ça base pour le t'as des coup. jeux mais qui viennent de toutes consoles différentes, donc. Disons que oui, c'est Kingdom Hearts. Voilà, t'y vas en sachant où tu mets les pieds, quoi. Ou sinon, tu prends déjà 3 RTT pour lire du wiki pendant, pendant des heures pour bien t'absorber et pour essayer de t'y retrouver. Mais ça, c'est un autre débat. Et justement, c'est intéressant là, cette histoire de remake 2D, 3D, puisque on retrouve ça sur d'autres remakes. Et du coup, le remake, au-delà du fait où on se dit argent facile ou pas, est-ce que c'était légitime ou pas, est-ce que aussi c'est pas un moyen finalement de préserver certains jeux, certaines œuvres majeures, bah justement pour un peu casser ce cycle de l'obsolescence où il faut que tu retrouves la machine, la bonne galette, etc. Parce qu'on rappelle que tu as certaines consoles qui sont pas forcément très faciles à émuler. Et puis l'émulation, on va le rappeler légalement, il y a un flou total et on va surtout pas conseiller d'aller sur les émulateurs, tout ça. Mais voilà, tout ça est un petit peu compliqué. Donc, est-ce que c'est pas aussi un moyen de bah, qu'une œuvre se perpétue et soit découverte aussi par le plus grand public possible? C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui, par exemple, je sais pas, à 18 ans veut découvrir Resident Evil 2, bon, bah, c'est vrai que le remake, là, c'est parfait pour ça. Au lieu d'essayer de courir après une vieille PlayStation ou machin, et puis peut-être que visuellement, il va trouver ça moche, etc. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un côté aussi, voilà, préservation au niveau du remake? Moi, je vois ça un petit peu comme le cinéma, c'est que ça permet de relancer aussi une franchise qui était un petit peu en perte de vitesse. Ouais, messieurs, non, sur le côté préservation, non, Si, si, ça. je suis d'accord. Si j'en prends comme exemple les deux Zelda sur N64 qui sont sortis sur 3DS, l'Ocarina of Time et Majora's Mask, pour moi, ça, c'est justement, C'est une petite anecdote que j'ai comme ça, mais je suis allé chez mon frère un jour et il y avait mon neveu qui jouait justement sur 3DS à Ocarina of Time. Et ça m'a fait bizarre de me Ah, c'est dire, bah voilà, excellent. il a ouais, facile 20-25 ans de moins que moi, du coup, enfin voilà, il devait avoir 7-8 ans à l'époque, un truc comme ça. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre de me dire, bah voilà, il joue au même jeu que moi, exactement le même jeu que moi, en remake, et il peut y jouer parce que du coup c'est sorti sur 3DS. Et ça m'a fait plaisir même, tu vois, de l'aider un peu, parce que moi, le jeu, je le connais quasiment par cœur. Là, pour le coup, on pourrait dire que c'est presque un remaster, hein, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais c'est vrai que là, pour le coup, le côté préservation, je trouvais effectivement, il est très important, parce que sans ça, je suis sûr qu'il aurait jamais connu ce jeu, où il l'aurait touché 2 secondes, et puis dit, ouais, bon, bah voilà, ça me saoule, c'est pas très très joli, et puis c'est un vieux jeu, donc je passe à autre chose, je joue à Fortnite, quoi. Donc je pense que c'est effectivement un bon moyen de préserver les jeux et de s'en souvenir. De préserver, puis aussi, oui, comme tu dis, là, un peu de le faire découvrir, alors ça peut être à nos enfants, à nos neveux, voilà, à une jeune génération, sans qu'il y ait le côté, voilà, c'est moche. Parce qu'on l'a toujours dit, et moi je le vois en tant que papa, c'est que vraiment le pixel art, ça vieillit pas du tout, quoi. Ça a toujours une gueule d'enfer. Je vois Axel, il adore jouer à énormément de jeux Super NES, Mega Drive, etc. Même des jeux 8 bits. NES, etc., voire même avant, ça le dérange pas parce que j'ai l'impression que ce mode d'expression visuelle est universel, quoi. Par contre, les premiers jeux 3D, si on les a pas connus à l'époque, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour Resident Evil, c'est rude. Voilà, c'est rude. Quand on n'a pas connu les jeux, c'est compliqué. Parce que, par exemple, pour Remake, on aurait pu parler aussi de Metal Gear Solid. Parce que, je sais pas, là, je repense à Metal Gear Solid, le premier sur PlayStation. Alors, c'est peut-être le cas pour vous aussi. Moi, m'a énormément marqué, hein, comme beaucoup de joueurs à l'époque. Et y rejouer maintenant, dans sa version PlayStation, hein, dans son jus, ça me dérange pas vraiment parce que je l'ai découvert comme ça et j'adore un peu cet effet, voilà, Play 1, voilà, particulier, machin. Donc il y a eu le remake sur GameCube qui est plus regardable, en tout cas. Mais j'imagine que Metal Gear Solid 1, aujourd'hui, à quelqu'un qui a une vingtaine d'années, ou 15-16 ans même, il va dire, bon, là, mon pote, tant ça pique, quoi. Donc le fait de faire découvrir les jeux comme ça, une nouvelle génération, des jeux 3D, là, je pense que le côté transmission du remake prend une ampleur qui est beaucoup plus forte. En fait, le remake d'un jeu 16 bits, en fait, limite, ça sert à rien, quoi. Sur 16 bits, c'est déjà très très beau. Les gameplays de l'ère 16 bits étaient déjà bien modernisés par rapport à la génération précédente. Donc ouais, je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Crocodine, de ce côté transmission, préservation des remakes? Est-ce que tu as été confronté à ce cas-là, à montrer à un joueur plus jeune un remake, ou est-ce que tu y penses quand tu les achètes, ou c'est quelque chose qui te saute pas aux yeux, ce côté transmission Non, pour moi, je rejoins un peu machin truc parce que ça permet de relancer des vieilles séries qui datent de la Super NES ou de la PlayStation et d'améliorer le gameplay, de le mettre au goût du jour. C'est gagnant-gagnant en fait, parce que t'as un éditeur qui a déjà un univers, il n'a pas besoin de. Voilà, il n'y a pas de pré-prod très, très grande à faire. Carrément, pour lui, c'est en fait c'est il assure déjà ses ventes avant même de commencer le jeu, vu qu'il y a la notoriété derrière. Et tu touches les anciens et tu touches aussi un nouveau public, quoi. Ah, sur ça, je suis complètement d'accord. Et tu gagnais pas mal de pognon, t'as zéro écriture à faire, t'as déjà tes personnages, t'as déjà ton scénario, t'as déjà ton environnement, tout le truc que t'as à faire, on va dire que c'est du visuel. Juste trouver un bon moteur graphique et puis hop, c'est parti. Après, il y a un peu de réécriture pour revenir sur Resident Evil 2, parce que c'est vrai qu'il revient souvent ce soir et c'est totalement mérité, hein. Moi, je trouve que le remake, il est absolument génial. Bon, t'as comme de la réécriture parce que tu pouvais pas reprendre les dialogues de l'époque quand même, parce que les dialogues de l'époque étaient très rudimentaires. Moi, j'aime bien, mais bon, c'est quand même un peu plus étoffé en termes de scénario, mais la base effectivement est la même, le matériel de base est la même, et puis je veux dire, au niveau des investisseurs, au niveau des grands pontes, de Capcom, c'est un projet qui est, entre guillemets, voilà, qui est pas si compliqué que ça à faire valider, puisque en plus Resident Evil 2, c'est un remake qui était très très demandé, comme celui d'FF7, on va sûrement en parler tout à l'heure. Donc là aussi, même au niveau de toute la chaîne, que ce soit déjà côté investisseur, éditeur, développeur et à la fin les joueurs, voilà, ça facilite un petit peu la réalisation du projet, quoi. Mais Resident Evil 2, il y avait déjà une grosse base de fait par une équipe de fans, en fait, qui a été reprise par Capcom. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont bougé leurs fesses de leur côté pour le faire. Oui, il y avait cette histoire d'espèce de remake de fan, ouais, effectivement. Je me souviens de ça, ouais. Tu fais bien de le rappeler parce que j'avais complètement oublié pour le coup. Il y a eu quelques membres de l'équipe des fans là, qui a été embauché par Capcom, si je crois. Bah là, je digresse un petit peu parce que c'est pas un remake. Quand vous regardez Sonic Mania, par exemple, qui à la base, c'est quand même des concepteurs de fangames de Sonic. C'est ça, en fait. J'aime bien, moi, ça, le fait que les fans purs et durs soient après récupérés par les éditeurs pour travailler sur les licences. Je trouve ça. C'est un peu comme DBZ FighterZ. Dragon Ball FighterZ, ouais, par Arc System Works. Il y a certaines choses en fait qui ont été reprises d'un jeu fait par des fans. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Ok, ça, j'avais pas suivi ça. Mais Sega aussi a pas mal tourné son fusil d'épaule parce que je sais pas si tu connais Street of Rage Remake C'est qui s'est fait compliqué, ça. striker par Sega à l'époque. Et les gars, c'était des concepteurs espagnols, ils avaient tout refait de A à Z avec les niveaux de tous les jeux sortis. Ils avaient même refait les musiques et Sega est passé derrière, les a strikés. Donc il y a une évolution des mentalités qui fait qu'aujourd'hui, ce genre de. Enfin, remaker des jeux par des indépendants ou même du fan service est quand même plus accepté par les éditeurs. Justement, il y en a un là, un fan qui a fait le remake de Mario Land Game Boy sur Super NES. Il s'est pas encore fait striker, lui? En fait, il a offert des ROM à ses amis et en fait, terminé. Et actuellement, il n'est pas au fin fond d'un lac, les pieds dans le béton, non? On sait pas trop, mais apparemment, la ROM a été lâchée sur Internet, donc dans pas longtemps, on devrait pouvoir y accéder. Oui. Alors après là on s'engage sur un sujet qui sort un peu de voilà des remakes, mais après moi j'ai un avis comme là-dessus qui est assez je peux comprendre que alors c'est vrai qu'on accuse souvent Nintendo d'aller striker les mais c'est compliqué parce qu'il y a le travail de fan, mais en même temps c'est quand même des propriétés intellectuelles. Je peux comprendre que certains les mauvaises quand tu joues avec ou alors faut pas jouer le choquer quand on te supprime ton truc, c'est-à-dire que tu sais que tu joues à ça et que tu peux te brûler. C'est-à-dire quand tu vas distribuer un jeu qui s'inspire, que ce soit un jeu Sega, Nintendo, Capcom ou tout ce que tu veux, après, faut pas jouer l'étonné si on vient te striker, puisque bon, c'est un petit peu normal, ça reste quand même des licences qui appartiennent quand même à des grosses boîtes et ce que font les fans, c'est top. Mais je peux comprendre après aussi que voilà, ça soit pas du goût de tout le monde. Mais bon, ça, c'est vrai que c'était une autre. C'est une parenthèse en tout cas. Bah, regarde les Jonas Brothers sur Amiga qui s'est fait striker par Nintendo à l'époque. Les quoi? Excuse-moi, ça a coupé, je t'ai pas J'ai pas entendu. entendu. Jonas Brothers, c'était un jeu de plateforme qui reprenait un petit peu trop le code de Mario et Nintendo est passé derrière, les a strikés. C'était une boîte allemande qui développait ça sur Amiga. Ah oui, bah ça je connais bien parce que c'est le père de Turrican. Donc je connais l'histoire par cœur, oui. C'est Diana Sister, en Sister, oui. Voilà, Diana autant Sister. pour moi, c'est je reprenais une bière, c'est mieux après. C'était le C'était le papa de Turrican, donc Manfred Strenz, qui était un cadre du Commodore 64 et qui, effectivement, pour se faire la main, et il s'est fait connaître comme ça, il faisait des remakes en fait de classiques japonais. Donc, il y a eu le remake de Mario, donc les fameuses Sisters. Il a fait aussi Kataki, qui était un clone d'Air-Type. Il s'est fait connaître comme ça et après, il a créé ce chef-d'œuvre qui est Turrican, mais ceci est une autre histoire. Donc, sur le fait qu'un remake puisse faire découvrir une œuvre. Un jeune public, je crois que là-dessus, on sera tous d'accord. Ça a quand même au-delà de l'aspect purement pécunier de l'éditeur, ça a quand même cette vertu-là aussi. Je crois qu'on est quand même tous d'accord là-dessus. Ouais, d'accord, ouais. Et on va parler aussi, bah, quand même, de la difficulté de faire un remake. J'aimerais parler du cas Final Fantasy VII, qui pour moi est super intéressant, dans le sens où on part d'un jeu PS1 avec les codes du JRPG, donc du RPG japonais. Qui essentiellement ce qu'on méritait de l'ère 16 bits, au-delà de la beauté du jeu à l'époque, c'est vrai qu'on a plus l'impression de voir, surtout avec un œil de 2019, un petit, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, parce que voilà, pour moi, j'adore cette narration-là, mais on a l'impression de voir comme un peu un petit théâtre de marionnettes, c'est très théâtral, ça bouge beaucoup, ça lève les bras, ça gigote, les textes vont droit au but, il n'y a pas 10 km de texte comme certains jeux d'aujourd'hui, et c'était très bien comme ça, c'était très efficace, mais il y avait ce côté un peu abstrait, où avec quand vous baladez sur la map, par exemple, vous avez les maisons qui font la taille de Cloud, etc. Au niveau des proportions, au niveau du réalisme, tout ça, on s'en moquait complètement à l'époque, c'était vraiment pour moi, c'était un petit théâtre de marionnettes qui était voilà, qui fonctionnait très très bien. Là, on a le remake d'FF7, il faut des gabarits réalistes, il faut une échelle réaliste, il faut réécrire énormément les dialogues, on ne peut plus faire gigoter les bonhommes comme des poupées, comme c'était le cas dans le jeu original. Donc il y a quand même, on peut critiquer le fait que le jeu va être tronçonné, hein. Ça on est d'accord, etc. Mais ça pose quand même question sur le fait qu'un remake, c'est quand même pas si simple. On a tendance à caricaturer en disant bah, c'est facile pour les éditeurs, machin, on en parlait un peu tout à l'heure. Mais là, dans le cas d'FF7 et dans le cas d'autres jeux, alors j'ai pas d'autres exemples en tête, mais vous en aurez peut-être aussi, c'est quand même toute une grammaire à réécrire. Oui et non, après c'est un parti pris que tu prends de décider de faire tes bonhommes à taille réelle ou si tu veux garder être dans l'esprit original. On aurait pu leur dire, vous gardez les mêmes chara-design de vos personnages et vous améliorez uniquement les décors autour. Ceux qui ont décidé de tout péter, de tout recommencer de A à Z. Hein. Ouais, vous êtes d'accord là-dessus, messieurs, ou pas ? Plutôt, oui. Moi, j'avoue, ça aurait été compliqué de revenir en arrière au niveau des graphismes, surtout après l'OAV là, qu'ils ont sorti sur Final Fantasy, qui reprenait Final Fantasy VII. Advent Children ? Ouais, voilà, celui-là. Bah, et puis surtout que Square Enix est quand même dans cette... Enfin, en tout cas, la partie Square, les Final Fantasy, ça fait partie de leur ADN, en tout cas depuis l'ère PlayStation, et puis c'était le cas aussi sur l'ère 16-bits, hein, c'était toujours des claques visuelles, et en essayant toujours d'en mettre toujours plein la gueule. Voilà, à tout le monde. Alors, ça a plus ou moins réussi ces dernières années. Et ça aurait été étonnant, effectivement, quoique ça aurait pu être très couillu, de garder cette forme-là. Mais bon, avec l'ADN, en tout cas, qu'est Square Enix aujourd'hui, ça aurait pas collé, je pense. Pour moi, c'est tout à fait logique. Il fallait coller, justement, comme tu dis, Crocodine, à ce qu'on a pu voir, voilà, que ce soit dans le film, et de tout ce qui a tourné autour de Final Fantasy ces derniers temps, sans parler de la démo PS3. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, c'était à l'E3, si je ne dis pas de bêtises, avec cette arrivée de Cloud, comment sur le train de Midgar. Bon, ils nous ont toujours plus ou moins fait titiller comme ça, avec des proportions plus, entre guillemets, réalistes. Et là, pour le coup, on est dans un remake 100% pur jus, puisqu'il y a quand même tout un univers à réinventer. Alors, je ne sais pas si vous aviez fait Final Fantasy VII à l'époque. Pas à l'époque. Moi non plus, mais toi, pour revenir vite fait au parti pris que je disais tout à l'heure, regarde le dernier Zelda qui est sorti sur Switch. Ils sont pas cassés la tête à reprendre un copier-coller de Breath of the Wild. Ils ont gardé l'esprit original, ils ont juste amélioré l'ensemble et c'est reparti comme en 40. Là, on parle de Nintendo. Oui, mais regarde combien ça va leur coûter vraiment si vous rentrez dans leurs frais. Parce que c'est pareil, quand tu dis que tu refais un jeu de A à Z et que tu pètes les décors, tu pètes les designs, etc., c'est pas le même nombre de personnes et c'est pas les mêmes machines qu'il te faut. Hein. Donc automatiquement, les coûts, c'est pas les mêmes. Hein. Bah, je pense qu'un jeu comme FF7 Remake, alors je vais pas les plaindre, hein, je vais pas pleurer en disant « Oh, les pauvres, machin », parce qu'ils vont en vendre des kilotonnes, hein, c'est clair. Mais je pense que c'est quand même un sacré challenge, et puis tu mettras jamais tout le monde d'accord de toute façon, surtout sur une fanbase aussi grande et parfois intransigeante, voilà, sur une grande licence comme Final Fantasy. C'est quand même intéressant de voir le fait de réinterpréter tout ça de manière entre guillemets réaliste. Alors, je sais pas si vous avez vu les vidéos maintenant qui tournent depuis très longtemps, depuis que le jeu était annoncé, mais c'est vrai que le fait de revisiter Midgar par exemple dans ses proportions grandiloquentes comme ça, c'est alors que dans le jeu original, bon bah on est pareil, on est dans ce trip un peu théâtral, quoi, scène avec des poupées, etc., avec des proportions qui sont complètement hors du temps, enfin qui sont pas réalistes du tout. C'est assez intéressant, je trouve. C'est couillu. Après, c'est à savoir si parce que moi c'est un jeu qui m'intéresse pas plus que ça, mais j'aurais été intéressé de voir c'était les designs des environnements qu'ils avaient dessinés au storyboard à l'époque. Et comparer avec ceux qui a été prévu par le remake et faire un comparo des deux, savoir s'ils ont gardé le même esprit ou s'ils sont partis totalement à l'opposé. Ouais, ça peut être intéressant aussi, ouais, effectivement. Le remake peut prendre une voie, comme vous le disiez, avec Link's Awakening, où là on est vraiment dans le. On garde la même caméra, on garde le même truc, la même vue, etc. Et on rhabille juste, quoi, le jeu. Et le fait de partir dans totalement autre chose, ça peut être intéressant. Encore une fois, je pense que la bonne synthèse, c'est Resident Evil 2, quoi. On revient tout le temps sur lui depuis tout à l'heure. Alors peut-être parce qu'il est un peu récent aussi, hein, on va pas se cacher. C'est vrai qu'il a la bonne synthèse, en fait, entre le fait de recréer quelque chose et de rester totalement fidèle à l'œuvre originale. Ça vous botterait d'ailleurs un... Alors là, au moment où je parle, en plus, on savait que Resident Evil 3 allait suivre. Et là, des bruits se font de plus en plus gros, là, voilà, pour une annonce prochaine du remake de Resident Evil 3, donc dans la même veine. Ça, par exemple, ça, maintenant que vous avez fait le remake du 2, ça vous botterait le remake de Resident Evil 3 vous botte aussi ou ça va, vous avez donné que le remake du 2? Ah, moi, totalement. J'ai tellement flippé que j'ai toujours pas fini le deuxième scénario du 2, tellement que je stresse devant mon écran. Ah Non, ouais, mais carrément. ouais, non, mais c'est aussi bien les premiers que je les ai finis les deux d'emblée que tu vois, celui-là, je suis en stress permanent en entendant des bruits de machines qui me courent au cul en permanence. Donc, mais ouais, je suis preneur, surtout que le 3 était vraiment pas mal à l'époque. Donc, à voir. Ouais, toi, Crocodine? Moi, je suis preneur, complètement. Mais même si, bon, le 2 est vraiment super bien fait, moi, j'aurais préféré un 2 du style du Rebirth, en fait. J'aurais vraiment préféré. Ah ouais, c'est intéressant ça, ouais, de garder enfin les décors 2D, les cadrages très cinématographiques. Voilà les codes des anciens Resident Evil. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu donner un truc de fou, surtout que la techno d'aujourd'hui, faire des plans 2D bourrés d'animation, d'effets spéciaux, etc., ça peut aussi faire quelque chose de ouf. Hein. Oui, je pense que ça aurait été quelque chose de génial. Je sais pas si vous aviez vécu ça à l'époque, mais il y avait Team Resident Evil 2 et Team Resident Evil 3. C'est vrai que moi, j'aimais beaucoup plus le 2 sur PlayStation, le 3, parce que tout le monde criait à la révolution, entre guillemets, avec le Nemesis, alors que le Nemesis, c'est juste le Mister X, d'ailleurs, qui est beaucoup plus mis en avant dans le remake, mais qu'on avait déjà dans les scénarios B de Resident Evil 2. Moi, ce que j'aurais aimé, là, alors, je dis ça, mais le remake du 3, je vais me jeter dessus, hein, s'ils le sortent, bien évidemment. Redécouvrir Raccoon City, comme ça, bon, c'est clair que je signe tout de suite. Moi, ce serait... Bah d'ailleurs, on va tout doucement aller vers la fin du débat, parce que j'avais prévu de vous demander les remakes dont vous rêviez. Moi, là, si on reste sur Resident Evil, c'est vraiment le code Veronica que j'aimerais vraiment voir totalement Voir refait. totalement refait. Totalement avec toi. Oh, il est tellement bien, code Véro. Ouais, un remake, là, je signe direct, toi, je signe avec mon sang. On est deux. Bah On écoute, est trois. ça me fait plaisir. Et Code Vero, qui historiquement aurait dû être le vrai Resident Evil 3, mais bon, ouais, faut pas me lancer sur Resident Evil, sinon là, on est encore là dans 2 heures, Voilà, là, dans parce 2 heures. que le 3, c'est un 2.5, hein. C'était juste en attendant que Code Veronica sorte. Exactement, voilà. Et Code Vero s'appelle Code Vero parce que les épisodes numérotés devaient rester sur PlayStation, alors que tous les fans le savent très bien. Voilà, la suite de l'histoire, etc. Enfin, vraiment, Code Vero, c'est aurait dû être voilà, RE3. Bah toi, Crocodine, du coup. Donc, à part Code Vero, est-ce qu'il y a un remake comme ça d'un grand classique que t'aimerais voir arriver un jour? Alors moi, ouais, il y en a un, c'est Silent Hill. Le 1 et le 2. Si, enfin, même la trilogie. 1, 2, 3. Ah, tu me fais plaisir. Là aussi, je suis totalement d'accord avec toi. Le 2 mériterait tellement qu'on le remette. Mais les trois, en fait. Bah, le 2 en premier et après le 3 qui pour moi est vraiment pas très loin. Et puis le 1, il mériterait un bon coup de polish. Je rêverais de ça. Ah. Mais ils avaient pas fait une compile à moitié pété sur Le film, elle était complètement naze. Compile de Compile de la la honte. honte. Ouais, parce qu'ils avaient perdu les codes source du jeu. Voilà, exactement. Et c'était. Oh, je l'ai toujours en plus, hein, parce que bah, moi, par principe, j'avais pas attendu les tests. Silent Hill 2 surtout et le 3 aussi, mais m'ont tellement marqué, tellement des jeux qui avaient une avance en termes narratifs sur leur époque, c'est incroyable. Et oui, ils avaient perdu le code, donc tu perdais tout le truc. J'ai des souvenirs du 2, des scènes où le brouillard carrément disparaissait, tu voyais la fin de la scène du jeu, les polygones se plaquer contre un mur invisible, etc. Enfin, tout était gâché, enfin c'était... Bon. Et je crois que le gros problème du 3, c'était la synchro. Les dialogues partaient trop tard ou trop tôt, enfin c'était une catastrophe, c'était une catastrophe. Mais ouais, donc Crocodile, moi je suis d'accord avec toi. Petit dernier, mais bon, c'est Chrono Trigger. Oui, mais alors Chrono Trigger, est-ce que ce serait pas mieux de le laisser dans sa belle 2D? Tu vois, on revient à la Oh, question d'Atari sur là est tout l'heure. le débat. Parce que tu me dis un Chrono Trigger avec un rendu super classe à la Dragon Quest où on voit bien le style Toriyama. Mais bon, est-ce qu'on perdrait pas en punch? Est-ce qu'on perdrait pas en... Ouais, c'est compliqué. Tu vois, c'est comme moi si demain on annonce un remake d'FF6. Oh, je vais flipper, mais je vais flipper. J'aurais trop peur qu'on le dénature, quoi. Je serais effrayé, quoi. Mais bon, ce qui fait peur, c'est que déjà les portages mobiles étaient dégueulasses, où ils avaient refait déjà les graphismes. Mais pourquoi? Pourquoi mochiser un jeu qui était si beau? Ça me ferait peur. Chrono Trigger, le débat peut se poser. Moi, je serais d'avis à le laisser dans sa 2D. ou tu vois, leur sortir avec l'intro de la version PS1, l'intro animée que toi Animation avait fait, qui pétait la classe, avec des petits bonus, tu vois, avec des petits machins, laisser le choix aux joueurs de mettre un filtre, de pouvoir sauvegarder quand tu vois, avec toutes les petites options qu'on a aujourd'hui. Ouais, un peu comme le dernier Dragon Quest sur Switch. Voilà, mais le remake est complètement, ça me ferait peur. Ça me ferait peur. Mais bon, écoute, avec Square Enix, on ne sait jamais. Bah, n'hésite pas, Crocodine, si t'as d'autres titres qui te viennent en tête entre-temps, n'hésite surtout pas. Machin truc, toi, y a un remake dont tu rêverais ? Shenmue. Oh, le troll. Mon Dieu. Oui, donc pas un remaster, là, vraiment un vrai remake avec le moteur de Yakuza. Voilà, ouais, avec les sous-titres en VF, et là, je suis plusieurs des hommes. Ah là là, Shenmue. Faudrait qu'on fasse un jour une émission spéciale Shenmue, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Oh, j'ai tellement de choses à dire aussi sur le Shenmue 3, mais si je rentre là-dedans, il faut rajouter une heure d'émission, donc... Justement, on va peut-être se dépêcher de finir, parce que dans les jeux du mois, tu vas peut-être pouvoir nous en parler un petit peu, vu que tu as commencé. Mopral, est-ce qu'il y a un remake, toi, qui te... Enfin, machin truc, tu disais Shenmue, c'était pour la blague, mais t'as pas un remake... Non, mais c'est... Je suis sérieux qu'on dit Shenmue, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui est possible de faire avec ce jeu que un bon remake... Ah oui, là, c'était pas une blague, un vrai remake de Shenmue, quoi. Un vrai remake de Shenmue, ça peut être quelque chose qui me ferait raquer aussi de nouveau derrière. D'accord, je pense que c'est pas demain la veille, mais ouais, ça pourrait être intéressant effectivement. Est-ce que c'est pas ça qu'aurait dû être finalement le 3, mais c'est un autre débat. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Je dis ça sans troller du tout, hein. Attention. Mopral, toi ? J'ai réfléchi, il n'y en a pas tant que ça en fait, parce qu'au final, les jeux que j'apprécie, je les apprécie dans tels qu'ils sont, donc c'est vrai que j'ai pas spécialement besoin d'un remake. Ce que je pourrais citer, donc effectivement, il y aurait FF6, pareil, je suis mitigé parce que je sais pas ce qu'ils en feraient. Mais j'aimerais beaucoup avoir un remake, parce que c'est vrai que c'est un de mes Final Fantasy préférés avec le 9. Alors éventuellement le 9 aussi en remake, mais pareil, à part les graphismes, je vois pas ce qui pourrait changer. Et je pensais surtout à des jeux Nintendo 64, en fait, parce que c'est une de mes consoles favorites, enfin même ma console favorite. Et du coup, des titres comme par exemple Banjo-Kazooie, ou Perfect Dark, ce genre de choses, Yoshi's Story... Ça, c'est vrai que c'est des titres que j'aimerais bien voir avec des meilleurs graphismes, une jouabilité un peu plus assouplie et ce genre de choses. Parce que si je prends par exemple Yooka-Laylee, qui est plus ou moins un remake caché de Banjo-Kazooie, on retrouve l'idée. Il est catastrophique, parce que du coup, ils ont conservé justement le gameplay de l'époque N64 et ça colle plus du tout avec les standards de l'époque. Enfin, de ce qu'on attend aujourd'hui. Donc, un vrai remake avec... la vraie 3D, les vraies plateformes et ce genre de choses, ouais, à la limite, ouais, ça me plaît. Dans Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, ça fait partie de mes jeux favoris, donc ouais, ça, à la limite, c'est ceux que j'aimerais bien avoir en remake. Ouais, qu'il y a des jeux N64, moi je rêverais d'un remake Goemon 64, qui reste mon Goemon préféré, et il y aurait moyen de faire un truc vraiment de taré. Hein. Un Star Fox 64, vu ce qu'ils savent faire maintenant avec les Star Wars ou ce genre de choses, un vrai Star Fox dans l'espace. Ah oui, parce que t'avais déjà eu le remake, moi, on est comme dans le remake sur 3DS, c'était un des jeux de lancement, enfin de lancement, j'ai un doute là. Si, il était au tout début, ouais. Il était au tout début, mais on profitait vraiment un vrai gros remake sur son écran, bah pareil, Star Fox 64, pour moi, c'est le meilleur Star Fox qu'on ait eu. Un vrai remake, ce serait formidable. Je rajouterais un jeu GameCube. Moi, je suis un grand fan de Sky of Arcadia. Enfin, Dreamcast, pardon. Un jeu Dreamcast. Voilà, je vais me faire tuer. Calmez-vous, les fans de la Dreamcast. Un jeu Dreamcast. Marche pas sur les serviettes, hein, parce que ce jeu-là aussi est super marquant. Donc, voilà. Et c'est l'édition Legend qu'on a eu sur GameCube. C'est la fatigue, excusez-moi. C'est vraiment un jeu qui m'a profondément marqué, Sky of Arcadia. J'ai fantasmé très longtemps sur une suite qui se passerait dans l'espace. Hein. Je trouve que ça aurait été une suite logique superbe. Mais ouais, Sky of Arcadia, tu me remets les mêmes musiques, tu les changes même pas tellement elles sont incroyables. Tu me remets les mêmes héros, t'accélères peut-être un peu, voilà, un peu le rythme et tout. Même si moi, ça m'a pas du tout gêné. Beaucoup critiquaient les combats qui étaient lents. Moi, à l'époque, ça m'a pas du tout gêné. Mais bon, je sais que c'est une critique qui revient souvent. Mais ce serait... un remake de Sky of Arcadia, mais voilà, je deviendrais dingue, vraiment quoi. Mais il y en a plein d'autres, hein, ça se trouve, on peut en citer des pelletés comme ça. Je me suis pas préparé de liste exprès, parce que sinon j'avais peur de trop monopoliser la parole. Mais du coup, n'hésitez pas sur Twitter et Discord à dire les remakes que vous attendez. Ouais, ce serait intéressant qu'on continue d'en parler sur Twitter, les remakes dont vous rêvez, ou ceux qui vous feraient peur, comme moi, FF6, parce que ça peut être un remake qu'on fantasme, mais ça peut être aussi un jeu qu'on a peur de voir dénaturé pour raisons purement mercantiles, et voilà, ça peut être ça aussi. En fait, on a tellement de jeux, on a tellement joué à des jeux actuellement qu'on n'a pas forcément d'idée de remake qui nous vient, mais si on nous parle d'un jeu, automatiquement, ça nous fera tilt ou pas. Oui, mais c'est ça, tu vois, je parlais de Metal Gear Solid tout à l'heure. Moi, je rêverais de voir un remake. Peut-être que Konami va le faire, hein, maintenant que Kojima s'est barré et que tout ce qu'ils ont fait après, ça c'est un peu le Metal Gear Survive, là, c'était un... Voilà. On va pas être méchant, on va pas tirer sur ambulance, mais voilà, c'était pas ça. Peut-être voilà, faire des remakes, même carrément des trois premiers Metal Gear Solid, ça pourrait être... Le gameplay un petit peu vieilli, bien sûr. Mais le propos, la base de game design est excellente, donc il y aurait moyen de faire voilà, des trucs pas mal. Mais effectivement, comme dit Mopral, n'hésitez pas sur Twitter, at revue de presse JV, tout collé, vous le savez, à nous faire part comme ça de vos remakes rêvés. Ouais, ça peut être très très sympa. Un autre remake rêvé, messieurs? Non, c'est bon, j'en vois pas. Moi, je vois un petit Sonic Adventure 1, ça serait bien. Ah, sans les bugs et un peu plus beau, ouais. Ah ouais, effectivement. Ouais, et au moins on aura un vrai Sonic. Oh là, ça y est, ça. Ça casse, ça casse. Ouais, ça casse. Bah pour moi, le seul vrai Sonic qu'on ait depuis longtemps, c'est Sonic Mania. Moi, Sonic Mania, j'en suis amoureux. D'ailleurs, j'attends le 2 qui n'a pas été annoncé, mais j'espère qu'ils en Alors, feront un. moi, moi, Sonic Mania, en fait, je me retrouve devant Sonic CD à l'époque. Et j'ai détesté Sonic CD. Bah, moi, j'ai détesté. Enfin, j'ai détesté. Non, j'ai pas trop aimé Sonic CD. Par contre, Sonic Mania, je l'ai adoré, mais d'amour, quoi. Vraiment, pour moi, c'est mon deuxième Sonic préféré après le 1, quoi. Enfin, moi, j'y ai passé un temps, mais enfin, pour moi, c'était des grandes retrouvailles avec Sonic, hein, ni plus ni moins. Il a un seul grand défaut, c'est que moi j'arrive toujours à faire sauter le time over. J'ai dû faire désactiver l'option, parce que sinon, en moins de 10 minutes, je finissais pas le niveau. Pour moi, les deux seuls défauts qu'il a, à part qu'il est extraordinaire, enfin vraiment, ouais, je suis hyper fan de Sonic Mania, c'est le timer, ouais, parfois qui est vraiment trop serré. Et tu retrouves aussi ce petit truc qui est agaçant dans les Sonic, c'est cette collision où parfois tu vas avoir le pixel du bout de ta chaussure qui va être au mauvais endroit et le jeu va considérer que tu t'es fait écraser par une pierre ou un machin et tu vas perdre une vie bêtement comme ça. Et ça, même dans Sonic Mania, ça m'est arrivé. Plus Et d'une fois, la double collision fatale où tu touches un ennemi, tu rebondis automatiquement, ça te kill. mais bon, à part ça, c'est quel bonheur Sonic Mania. Enfin bon, là pareil, je digresse encore. Puis je pense que sur les remakes, on a fait un petit peu le tour et de toute façon, on va poursuivre le débat sur Twitter, bien évidemment. Je pense pas que pour les recos on aura vraiment le temps. Vous le savez, enfin, si vous suivez l'émission depuis quelque temps, vous savez que les recommandations c'est selon le timing. Là, je pense pas qu'on va voir. On va voir déjà. Tout dépend de ce que mes chers chroniqueurs vont me dire là maintenant, puisque on va, à moins que vous vouliez rajouter un dernier point sur les remakes, on va passer peut-être au jeu du mois. C'est bon, voilà, pour moi c'est bon. C'est bon? On va parler des jeux qui nous ont occupés ce mois-ci. Crocodine, vu que c'est ta première ce soir, à tout seigneur, tout honneur, je vais te demander quels jeux t'ont fait vibrer, t'ont fait frétiller comme une petite truite ce mois-ci. Alors moi ce mois-ci, j'ai joué à The Surge 2. Je suis en plein dedans, là je suis à fond. Par contre, j'ai testé Medieval. Là j'étais vraiment vraiment déçu. Bah là, on est Ouais. dans le sujet en plus, le remake de... Tu étais fan du Tu étais premier fan sur du... PlayStation? Ouais, j'étais fan et bon bah ça a pas collé du tout. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que t'as juste retrouvé le même jeu en plus beau et tu attendais beaucoup plus du coup. Bah j'attendais surtout des améliorations parce que quand j'ai joué à l'époque bon bah ça passait. Mais là maintenant ça passe plus du tout. D'accord, donc là c'est ce qu'on disait, c'est vraiment pour toi là c'est plus un remaster, parce qu'ils ont vraiment calqué le jeu d'origine juste avec des meilleurs graphismes, quoi. Voilà, tout à fait. Franchement déçu. Pour moi, il méritait beaucoup beaucoup mieux. Tu as joué autre chose sinon? Alors, ce mois-ci, non, sinon des petits jeux d'arcade sur Switch. Donc surtout The Surge 2, donc Premier que j'avais platiné à l'époque, donc je l'attendais avec impatience, le 2. j'ai fait que le début du premier. Et alors The Surge, c'est bien celui qui... J'ai peur de confondre avec un autre jeu. Le premier, c'est bien celui où tu commences en fauteuil roulant. Voilà, c'est celui-là. Ok, j'avais trouvé le début du premier, j'ai pas eu le temps de continuer. Je trouvais ça, enfin, je trouvais la mise en scène de mettre une personne en situation de handicap dans un jeu vidéo comme ça. Au début, j'ai trouvé ça très très malin. Vraiment, la mise en scène du début du jeu m'avait beaucoup marqué. J'ai pas pu continuer, mais bon, apparemment, le 2, effectivement, améliore pas mal de choses. Et je crois qu'il a assez bonne presse d'ailleurs. Ouais, la seule chose que je trouve dommage, en fait, c'est que dans le premier, il y a, on va dire, un héros, un personnage principal, alors que dans le deux, c'est une personne lambda, tu fais une création de personnage, homme, femme, et c'est parti, quoi. Ah d'accord, donc il y a plus un petit côté roleplay dans le 2. En fait, tu peux pas trop t'identifier au personnage. Hein. Ah c'est dommage ça. Donc la nation, la nation. La fatigue. La narration. La nation, narration, pardon. Dans l'un était plus prononcé. Voilà. Ok, d'accord. Mais bon, tu le conseilles malgré tout. Le 2, je le conseille complètement. Ok. Bah écoute, merci Crocodine pour cette recommandation du coup, parce que c'en est une quand même du coup. Toi, machin truc, tu as joué à quoi? Bah moi, j'ai fini en début de mois Jugement, là, après 80 heures passées sur ce jeu qui est juste grandiose. Oh là, j'ai extrêmement hâte de le faire. Ah ouais, non, mais tu t'as de quoi t'amuser. Hein, donc après, j'ai attaqué Shadow of Tomb Raider là sur PS4 Pro, parce que du coup, je suis passé à la PS4 Pro suite à une bonne promo chez Micro Niagna. Et justement, d'accord, sur le mois dernier, tu parlais des personnes en situation de handicap et de jeux vidéo. Et ce jeu-là, justement, prend ça en compte. Donc, tu as les sous-titres, tu as des couleurs par personnage. Et tu peux aussi activer les sous-titres des musiques et des bruits ambiants. Donc, quand tu as la musique qui s'accélère, quand tu meurs, quand tu as un ennemi limite qui va pisser, tu as le petit sous-titre qui apparaît en dessous. Donc, ça te permet aussi à bien t'immerger, même si tu as des problèmes d'audition. Donc, ça là-dessus. Excellent, ça. Donc j'ai dit vraiment bravo, c'est vraiment sympa, et là j'ai commencé, j'ai acheté Day One Shenmue 3. Donc il est le jeu que je m'attendais. Donc, Alors t'en es où, t'as combien d'heures là? Bon, j'ai dû jouer 3-4 heures, après c'est Shenmue 3 quoi, donc si tu veux que je te fasse un exposé détaillé sur ce que je pense du jeu, etc., il n'y a pas de souci, mais dans ces cas je t'explose le chrono. 3-4 heures, donc t'es encore dans le village, là, c'est ça? Il y a un village... C'est une sorte de province chinoise, là, c'est ça? Oui, je me promène, je fais des courses de tortue, je fais 2-3 combats de kung-fu, j'ai ramassé des plantes. C'est un jeu qui se promène, quoi, chez nous. C'est un petit bonbon qu'on suce, quoi, tranquillement. Faut pas se presser, ça s'apprécie comme ça, de toute façon. Donc, non, non, je profite. Il y a un truc, alors je ne sais pas si tu vas être d'accord, c'est que là, au moment où on enregistre, donc on est le samedi 23 au soir, et donc le week-end, si vous me suivez, voilà, ceux qui nous écoutent, vous le savez, je passe donc mon week-end à préparer l'édition du lundi, hein, l'édition hebdomadaire de la revue de presse JV, et là, je suis sur le jeu de la semaine, bien évidemment, c'est Shenmue 3. Je suis en train de compiler toutes les critiques françaises et étrangères, et il y a une critique étrangère, alors je ne sais plus quel site exactement c'est, mais qui a dit un truc vraiment qui est assez intéressant, et qui disait que Shenmue 1 et 2, c'était marrant de le remarquer. À l'époque, proposer une vision moderne et annoncer un peu le futur d'un certain jeu vidéo, parce que c'est vrai que Shenmue, on va pas refaire l'histoire là, mais a été pillé et pillé et pillé par pas mal de jeux qui l'ont suivi. C'est vrai que là-dessus, Yu Suzuki a toujours été un visionnaire, et qu'aujourd'hui, Shenmue 3, c'est un jeu qui essaye de se connecter au passé pour faire plaisir à ses fans, et qui a une démarche complètement inverse de l'époque, qui était vraiment d'être dans l'innovation et d'essayer d'anticiper ce qu'allait être le jeu vidéo après. Donc cette dichotomie est vraiment intéressante. Là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Bruno. Est-ce que tu estimes que le Shenmue 3 est un jeu qui a été fait pour les fans de Shenmue, en reprenant vraiment ce qui faisait l'identité des Shenmue Dreamcast, sans ne rien moderniser avec les standards du jeu vidéo d'aujourd'hui, quoi? Pour moi, en fait, le problème de Shenmue 3, c'est le Kickstarter qui a foutu une pression de monstre à Yu Suzuki. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2015, quand Yu Suzuki présente son jeu, sa boîte de développement monégasque, qui a à peine 10 personnes qui développe du jeu vidéo. Donc, en fait, il a balancé pour moi son jeu en présentation pour savoir si la température allait prendre. Il a annoncé le Kickstarter sans réelle prétention, et quand il a vu qu'il avait explosé les chronos, toi, quand tu t'attends à 1 million et que t'es en récolte 6, tu te prends pas forcément la même pression que t'avais initialement prévu. Donc pour moi, chez nous trois, le jeu qui avait été initialement prévu, c'était un jeu qui devait être limite un jeu un narratif. Jeu humble, quoi. Une voilà, petite prod, et, entre guillemets. En fait, quand tu te prends 6 millions d'euros, enfin 6 millions de dollars, une pression monstre des fans, que tu te retrouves avec une boîte où tu as 10 personnes, il faut que tu embauches pour dire de tenir un cahier des charges qui représente les deux premiers épisodes, sachant qu'en plus que tu travailles dans une boîte indépendante où c'est pas Sega à l'époque, où tu as le portefeuille limité, les dev kits à la dernière version que tu as. Donc pour moi, chez nous, c'est le résultat de tout ça, quoi. Et moi, je m'attendais à ce résultat-là, je suis pas déçu. Donc c'est pour ça, il fallait pas s'entendre à un grand jeu, mais il fallait s'entendre à une continuité. Et voilà, quoi. D'accord, donc en tout cas, pour l'instant, tu es tout à fait satisfait. Tu avais backé le jeu, donc enfin, je te pose la question, ça paraît débile parce que j'imagine que oui. Ouais, moi j'ai backé le jeu, mais j'avais conscience de ce que je faisais. Ceux qui back et 500$ en espérant avoir une prouesse technique aujourd'hui, c'était complètement con. Ceux qui ont backé des sommes comme ça, c'est un peu, bon, c'est un peu particulier, mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Écoute, le principal, c'est que tu te fais plaisir et que tu kiffes le jeu, et j'ai envie de dire que c'est le principal. Bah, c'est jeu vidéo, donc jeu vidéo, c'est jeu. Après, je vais pas mourir parce que le jeu me plaît pas, quoi. Après, tu vois, si ça te plaît pas, tu le revends. Mais non, moi, je suis satisfait de ce que j'ai sous les yeux. Je m'entendais pas forcément plus, je m'entendais pas forcément moins. Puis voilà, quoi. Et après, je le savais en compte considération de ce que je faisais. Ok, bah écoute, tant mieux. Non, mais ça fait plaisir d'entendre des avis aussi très positifs sur Shenmue 3. Il y en a, hein, bien sûr. Après, certains adoptent un petit ton moqueur, c'est vrai. Et parfois, je participe aussi, mais c'est pas bien méchant. Je me détache un peu parce que là, j'ai jamais été extrêmement fan de Shenmue, même à l'époque quand c'est sorti sur Dreamcast. On les avait achetés en Jap et après en version Euro. Et c'est vrai que voilà, moi, c'est surtout la claque technique à l'époque qui m'avait plu. Et en termes de gameplay, ça n'a pas toujours été voilà, pour moi le grand amour avec Shenmue, mais je reconnais aisément les innovations. Et puis voilà, Yu Suzuki, respect de toute façon éternel, ne serait-ce que pour toute sa carrière. Et je pense que, comme tu disais, si le jeu sort comme ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard non plus. Voilà, je pense que s'il aurait voulu aller plus loin, il l'aurait fait aussi. Bah, il aurait fallu 3 ans de plus. Après, il faut moi ce que j'ai, c'est pas forcément un avis positif, c'est un avis objectif. Donc pour moi, il n'y a pas débat, quoi. Donc voilà. Ok, et bah du coup, toi, Mopral, à quoi tu as joué? À Shenmue 3? Non, pas encore, justement, mais peut-être un jour. Juste deux petits jeux. Le premier s'appelle Press X to Not Die. Donc presser X to pour ne pas mourir. C'est un tout petit jeu, il coûte 3 € sur Steam. C'est un collègue de bureau qui m'en a parlé. Globalement, c'est un jeu qui dure à peine un quart d'heure, 20 minutes, à base de QTE. Voilà, il y a plein de Ah ben moments où... on y revient, Voilà, voilà. exactement, c'est lié hein, pour le coup. Il y a plusieurs moments, il y a une petite vidéo, alors c'est avec des vrais acteurs, tu vois, la fameuse époque FMV. Puis à un moment, bah, il y a par exemple quelqu'un qui va vous sauter dessus avec un couteau, et du coup, il va y avoir une QTE, il va falloir presser pour ne pas mourir. Et ils ont fait plein de scènes comme ça, un peu rigolotes, un peu débiles, et c'est tout bête, voilà, ça coûte 3 €, mais ça vous occupe 20 minutes, c'est un peu rigolo, bon, c'est pas non plus à se taper le cul par terre, mais... Voilà, si vous voulez un petit jeu fun à base de QTE, ça je vous le recommande. Et le deuxième, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Katamari Damacy Reroll. Donc pour le coup, on est aussi dans le remake ou dans le remaster, ça je vous laisserai faire votre propre avis, mais voilà. Rapidement, pour ceux qui connaissent pas, globalement, c'est le roi du tout cosmos, il est rentré bourré chez lui, il a pété toutes les étoiles. Et votre but, c'est d'aller sur Terre et avec une boule qui colle, de ramasser plein d'objets pour en faire ensuite bah, des étoiles. Donc voilà, le principe, c'est vous avez une petite boule. Vous allez enrouler des trucs, donc ça peut être des pièces d'échecs, ça peut être, je sais pas, des souris, des cerises, des machins, et puis au fur et à mesure, bah, votre boule elle va grossir, donc vous pourrez ramasser des tomates, puis des concombres, et puis au bout d'un moment des voitures, et puis des gens, et puis des immeubles, et puis des continents, et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un jeu très très sympa, très très barré aussi, faut s'y attendre à ça. C'est un classique hein, pour ceux qui connaissent, mais vu C'est qu'il pas était sorti... le. Excuse-moi de te couper, Mopral, mais c'est pas justement le tout nouvel épisode officiel de la série? Alors non, je crois que c'est justement le remaster du premier, de Ah, mémoire. d'accord. Je dis ça de mémoire parce que j'ai pas joué au premier, moi j'ai joué au deuxième qui s'appelle Wheel of Katamari, que j'adore. Là, a priori, je dirais que c'est le remake du premier, mais j'en suis pas totalement sûr, mais je crois que c'est ça, d'où le terme reroll d'ailleurs. Mais bon, après le principe reste le même, hein. Ça c'est toujours la même chose, et on a une boule et puis faut tout enrouler. Je trouve juste un petit peu répétitif au bout d'un moment, parce que c'est quasiment toujours la même chose, il n'y a pas de trop d'originalité, à part la boule qui doit être de plus en plus grosse, mais bon, c'est le seul souci, il faut pas tout faire d'un coup, parce que sinon ça devient juste ennuyeux au bout d'un moment. Mais voilà, c'est un jeu que je recommande, en plus en ce moment sur Switch il est à 10 €, donc Lina, si tu veux le prendre, c'est maintenant. C'est Mais marrant voilà, parce que maintenant, dès qu'on parle Switch, hein, Ah bah, c'est Lina direct. Hein. réflexe pavlovien, la directe, moi, je pense à Lina Nounette. Donc voilà, je vous recommande, ah ouais, 10 € c'est un très très bon prix qui va bien vous occuper. Ok, bah écoute, merci pour ces petits conseils. Moi, je vais faire vite aussi. Bah moi, c'est Death Stranding, hein, bien évidemment. Bah comme vous, j'ai pas forcément X heures, voilà, pour jouer par heure, voire même par heure, par jour, voire par semaine. Donc là, depuis sa sortie, je suis sur Death Stranding, qui est un jeu aussi radical que fascinant, qui est aussi, comment dire, et je peux comprendre qu'il divise, voilà, complètement. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais que je ne conseillerais pas. Faut que les gens l'essayent avant, chez un copain ou je ne sais pas. Et en même temps, c'est un jeu, on peut pas se faire un avis en 10 minutes. Donc c'est très très très compliqué. Je souligne quand même qu'il faut avoir des sacrés bollocks et avoir le nom de Kojima pour pouvoir sortir un jeu ouais, radical, j'ai pas d'autre mot, qui ne coche aucune case de ce que doit être un blockbuster. C'est un jeu qui est aride, qui vraiment va vous faire du mal. Pas dans le sens comme un Sekiro ou un Dark Souls, mais c'est-à-dire que voilà, faut bien comprendre que vous allez faire que livrer des objets. Enfin là, je dois être aux trois quarts du jeu. Donc je suppose que voilà, le gameplay va pas changer au dernier quart. Mais voilà, chaque livraison, c'est vraiment une épopée. Je pense qu'il a totalement repensé la quête FedEx hein, pour en faire le centre du jeu. Et chaque livraison, c'est une épopée. Voilà, avec ses moments de peur, ses moments de joie, ses moments de contemplation aussi. Il y a des moments aussi où vous allez être complètement émerveillé, être grisé. Il y a des moments où le jeu va vous casser un peu les miches parce qu'il y a comme encore des lourdeurs, pardon, de gameplay parfois. C'est pas le jeu le plus, on va dire, smooth qui existe. Et on parlait de l'accessibilité. Ça, c'est un des bémols du jeu. C'est les textes, les menus, parfois c'est microscopique. Alors moi, avec mes yeux de taupe, malgré la grande télé, parfois je m'éclate les yeux pour lire deux trois instructions. Et c'est vrai qu'en 2019, voilà, ça fait un peu mal de voir ça. Donc ça, faut quand même être prévenu. Les menus, c'est un peu compliqué. Donc c'est un jeu, voilà, qui va diviser, qui divise déjà, et c'est normal. Et je trouve ça intéressant que je divise autant. Ça crée du débat. C'est bien qu'un jeu ne vous brosse pas forcément dans le sens du poil. En tout cas, bon, j'aime beaucoup. Ce sera pas mon Kojima préféré. Ça c'est clair, je pense que dans mon cœur ça restera toujours le premier MGS. J'aime beaucoup et ça fait toujours plaisir de voir des jeux d'auteur avec des budgets de blockbuster. C'est très intéressant. Eh bien, écoutez, on peut faire les recos. Est-ce que vous avez quelque chose à nous recommander hors jeux vidéo? Qui veut commencer? Je vous laisse le choix, messieurs. Bah, je vais y aller, hein, parce que les autres y réfléchissent, j'imagine, pour Allons-y. l'instant-là. Fais-toi plaisir. Alors, pour vous étonner, je vais vous parler d'un jeu de société, pour changer un petit peu. Non, tu déconnes. Ouais, je sais. Non, mais c'est une première pour moi aussi. Hein. Je vais vous parler d'un petit jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Poulpoul. Alors, je sais que le nom, Alors c'est attends, un... qui s'appelle Poupoule. Poulpoul. Voilà, Ah, Poulpoul, comme... Poulpoule. Tu sais que là, à 23h, quand on dort pas beaucoup, c'est des noms qui peuvent me faire rire. Hein, ça. Poulpoule, d'accord. Ah Ok. oui, il s'appelle Poulpoul, j'y peux rien, c'est... voilà. Pourquoi? Et alors, donc c'est un petit jeu qui coûte 13 euros, donc vraiment pas cher. Et on peut y jouer à partir de 8 ans. Je crois que ça joue jusqu'à 8 joueurs maximum. Après, c'est plus ou moins parce que vous allez voir, le principe est très simple. En gros, c'est tout à fait simple, c'est que de base, comment dire, le scénario du jeu, c'est que il y avait le film Poulpoul qui devait sortir au Festival de Cannes. Et bah en fait, ils se sont emmêlés les pinceaux dans les bandes, tout est coupé, et du coup, on va devoir reconstruire le film et l'arrêter au bon moment. Le bon moment, c'est quand on a vu 5 œufs à l'écran. Très très con comme principe. Du coup, on a un gros paquet de cartes dans lequel il y a plusieurs choses qui sont dessinées dessus. Donc, il y a des cartes avec un œuf, il y a des cartes avec un renard, il y a des cartes avec une poule, genre de choses. Et le principe, c'est qu'il va falloir compter les œufs. À chaque fois, on va dire, on montre une carte. Au fur et à mesure, on prend dans le paquet, on montre une carte, ainsi de suite. Et bah, le premier joueur qui a compté 5 œufs bah, doit taper sur le paquet et dire poule poule pour arrêter le jeu. Et après, on compte et voir s'il y a 5 œufs. Et alors, comme ça peut paraître un peu chiant, mais en fait, il y a donc dans les cartes, il y a l'œuf. Donc ça compte comme un œuf, évidemment. Sauf que s'il y a une poule qui apparaît, alors qu'il y a déjà un œuf qui est sorti, et ben en fait, la poule va couver l'œuf. Du coup, ça fait un œuf en moins, faut plus le compter. Et s'il y a un renard qui sort, et ben il va chasser une poule qui est déjà sortie, du coup faut recompter l'œuf qui a été couvé, et ainsi de suite. Et en fait le principe c'est d'aller hyper vite et que le cerveau il fasse les connexions. Alors attends, il y a eu trois œufs qui sont sortis, donc il y a deux poules, donc il n'y a plus qu'un œuf qui est couvé, qui est pas couvé, mais du coup il y a deux renards, donc les trois œufs sont couvés, etc. Et tout le principe du jeu c'est ça, c'est de voilà d'une gymnastique mentale de compter très très vite le nombre d'œufs. Alors là j'ai dit que trois rôles, mais je crois qu'il y en a une dizaine comme ça. À un moment il y a le fermier, il va ramasser tous les œufs qui sont déjà sortis, sauf ceux qui sont couvés. Donc faut avoir pris en compte ceux qui sont déjà sortis. Tu vas avoir un chien qui va chasser le prochain renard qui va sortir, mais du coup t'as un renard déguisé en poule qui va pas se faire chasser par le chien. Enfin, il y a tout un Il y a une aspect comme certaine ça. profondeur, quoi, effectivement. Exactement. Et c'est justement la force du jeu, c'est que bah, pour les enfants, tu peux adapter la difficulté soit en mettant les trois rôles, donc l'œuf, la poule et le renard, et au fur et à mesure, rajouter différents rôles pour corser le jeu. Tu peux rajouter le ver de terre qui va occuper la prochaine poule qui va sortir, et ce genre de choses. Et du coup, bah, même un enfant à partir de 8 ans va pouvoir s'amuser avec parce que ça va pas être trop compliqué pour lui. J'ai fait le test avec moi, mon frère et mes neveux. Et ils ont tous vraiment adoré le jeu parce que voilà, on s'éclate et même les adultes ils sont obligés de bien réfléchir pour compter les œufs quoi. Donc c'est vraiment un jeu que je recommande. Comme je dis, il coûte 13 € donc c'est vraiment rien du tout. C'est juste un paquet de cartes, mais vraiment j'étais épaté par ce jeu. Il est extra et je peux que vous le recommander. Ok, bah écoute, merci pour cette reco. C'est vrai que c'est vraiment sympa, chaque fois tu nous recommandes des jeux de société. Et ça fait plaisir d'entendre de parler d'autres jeux de société, outre ceux qu'on voit tout le temps, qui passent à la télé, voilà, les jeux de société parfois un peu concons, qu'on nous resserre tout le temps. Bah écoute, merci Mopral pour cette superbe reco. Machin truc, est-ce que tu aurais quelque chose dans ta besace? Attends, je commande Poudpoule vite fait sur Amazon. Ah, t'as eu Mopral, l'influence que tu as Et maintenant. ouais. D'ailleurs, juste comme ça, j'ai dit la dernière fois, j'avais recommandé Tokaido sur Android et il y a plein de gens qui l'ont acheté. Je suis super fier de moi. Ah bah c'est cool ça, c'est chouette ça. Ça fait toujours plaisir de voir voilà, des gens qui Exactement. suivent les rocos, c'est le partage et c'est que de l'amour, c'est Ça me magnifique. fait plaisir aussi. On en discutera en off pendant que tu me donnes le truc. Si tu veux une petite reco, oui, moi que j'ai bien aimé suivre, c'était, je sais pas si tu connais, enfin si vous connaissez la chaîne d'Olivier Wawa, il a été présent sur la première édition du Games & Co à Arpajon. Ouais, Et je connais. en fait, il a fait un. Je suis pas forcément sa chaîne de A à Z, mais il avait fait un truc qui moi m'avait bien botté. C'était le projet arcade. Donc en fait, il avait récupéré des bandes arcade dans un état, mais plus que lamentable, dans des granges, etc., à tel point qu'il y en a qui démarraient plus. Et il a remonté les bornes de A à Z. Donc tu le vois qui galère à démonter les bornes parce qu'il y a la moitié des mécanismes qui sont grippés, t'as des composants qui se font plus, donc il adapte, toi, des nouveaux ventilateurs. Puis sur la Outrun, il dit, tiens, on va mettre du vent. En roulant, donc il essaye de trouver la mécanique pour mettre du vent en développement, une carte qui récupère la bonne valeur, la bonne pin, etc. Donc tu vois qu'il galère de A à Z, donc il refait les cartes, il refait toute la peinture, donc tu le vois galérer à faire la peinture. Donc tu as des moments de joie où tu vois qu'ils avancent, des gros moments de galère où tu vois qu'ils sont obligés de recommencer ce qu'ils avaient fait sur 2 ou 3 épisodes. Ils ont fait signer aussi la borne par Yu Suzuki aussi, donc tu les vois à Monaco, au salon, je sais plus c'est quoi le nom, mais qui font signer la borne et qui présentent le projet à Yu Suzuki, donc vraiment une série de vidéos, il y en a 21 je crois, et c'est franchement à suivre, c'est vraiment vraiment sympa, donc si vous savez pas quoi faire pendant quelques soirées, regardez le projet arcade et franchement vous serez sur le cul. Bon, en tout cas, c'était le cas pour moi. Il faisait des chouettes vidéos aussi. Alors je les ai pas toutes vues, mais ça s'appelait les Retro Game Test, je crois. Où vraiment avec un invité, il décortiquait certains vieux classiques, mais vraiment avec une façon assez pointue d'aller rechercher des anecdotes, même dans des magazines japonais de l'époque. Je sais qu'il y a des épisodes comme celui sur Metaslug, par exemple. Il y en a aussi sur Ghouls and Ghosts, qui est très très intéressant là-dessus. Et parfois il a un invité avec lui, soit un journaliste ou autre. Ouais, c'est une chaîne qui est très très très sympathique, effectivement. Crocodine, est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller hors JV? Bah là, de mon côté, pas grand-chose ce mois-ci. Je suis vraiment désolé. Non, mais t'as pas été désolé du tout, parce que moi, pareil, hors JV, j'aurais pas grand-chose, si ce n'est que, alors si vous écoutez pas, enfin, si vous écoutez pas, si vous écoutez la grande revue de presse JV, j'imagine que vous écoutez comme l'édition classique, du moins je l'espère, sinon je fais mes gros yeux. Je sais pas quand vous allez écouter cette grande revue de presse JV, quand je vais pouvoir la poster, mais en tout cas, là, au moment où on enregistre, il y a une semaine, j'ai participé, pardon, c'est la fatigue, ça, je commence à bafouiller, j'ai participé au marathon Cast, qui s'est déroulé à Arpajon, qui a été organisé donc par Dr Nostal, de Level Max, avec aussi Terry de Level Max, Games Co, Gwen, etc. Vraiment une super équipe. Et du coup, pendant 27 heures, Des podcasts se sont enchaînés en direct, hein, ça a pu être suivi sur Twitch, et j'ai eu l'honneur et le bonheur de faire partie de cette aventure où voilà, on s'est battu pour amener des dons pour l'association Espoir Autisme 94, une école qui accueille des enfants autistes qui ne peuvent pas être accueillis ailleurs, et une structure qui est menacée de fermeture faute de moyens, faute d'aide de l'État. Donc du coup, on s'est bougé, on a réussi à ramener plus de 4000 euros, et pour vous dire que vous pouvez déjà toujours continuer à aider cette association Espoir Autisme 94, qui a un site qui s'appelle marathoncast.fr où vous pourrez revoir toutes les vidéos, tous vos podcasteurs préférés qui ont fait des superbes émissions directes. Vous pourrez aussi me voir, moi je me suis incrusté dans pas mal d'émissions, dont un débat avec Cyril Drevet qui était très sympathique. Vous pourrez voir Natacha aussi si vous suivez l'émission, voilà, mon épouse Natacha a participé à pas mal de choses. C'était une expérience bouleversante, une expérience humaine vraiment très très forte, et vous pourrez revoir, voilà, tous ces passages bientôt sur le site. Donc notez ça, hein, marathoncast.fr, et donc vous pouvez toujours faire vos dons, hein, à cette association à l'adresse suivante, dons au pluriel, hein, .marathoncast.fr. Don au pluriel, hein. Donc don.marathoncast.fr. Voilà, je compte sur vous, et surtout si vous pouvez pas donner, parce que les temps sont durs pour tout le monde, hein, j'en ai bien conscience, l'important c'est de partager un maximum, voilà, pour toujours, au-delà de l'événement, continuer à aider cette association qui se bat vraiment, qui investit du temps, de l'argent, beaucoup de choses, voilà, pour que les enfants puissent être accueillis et puissent avoir des activités, ces enfants qui sont abandonnés par la République. Il faut que les associations effectivement montent leurs manches pour que ces enfants puissent avoir une vie la plus agréable possible. Donc on salue d'ailleurs toutes les associations qui font un travail absolument formidable. Voilà, ce sera Marocco effectivement de cette semaine. Messieurs, donc Rocodine, entre-temps, non, t'as pas un petit truc qui t'est revenu en tête? Bah si, je rebondis sur ce que t'as dit, en fait, c'est que l'année prochaine, ils reprennent la même chose, mais je crois sur 48 heures. Alors la semaine prochaine, la semaine prochaine, oui, bien sûr. Peut-être pas la semaine prochaine. Je suis désolé, mais je suis défonce man. Oui, donc l'année prochaine, effectivement, on va remettre ça, et ça va s'étendre. Alors là, on est encore en train d'en discuter, mais ça sera très certainement sur même 3 jours. D'ailleurs, ça a été annoncé à la fin lors de la clôture, hein, du Marathon Cast. Ça va très certainement s'étaler sur 3 jours, hein, peut-être avec des pauses la nuit, pour que les gens reviennent un peu plus francs. Bon, on est en train de voir tout ça. Et ça se ferait conjointement, dans le cadre, en tout cas, d'un Games & Co. Donc, c'est-à-dire avec public. Donc, quelque chose vraiment d'encore plus grand. Là, vraiment, pour cette première édition, ça a été une réussite totale. Voilà, même si les organisateurs avaient un petit peu peur, et c'est normal, puisque ça a été énormément de travail et c'était une première. Fallait essuyer les plâtres, ça s'est formidablement bien passé. Là, pour l'année prochaine, effectivement, les choses sont vues en plus grand, et je pense que ça, il faut s'attendre à quelque chose d'assez énorme. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant, même dans les éditions classiques de l'émission, sur Twitter, etc. Il n'y a pas de souci, je vous tiendrai au courant de tout cela. Mais oui, Crocodine, tu fais bien de le noter, effectivement, ça, l'année prochaine, on remet ça, et je pense que c'est le début d'une grande, grande aventure. Et donc ça fait ça fait bien plaisir. Mais c'était pas ouvert au public, parce que moi c'est pareil, moi j'en avais discuté avec Dr Nostal, et il m'avait dit ouais, si t'as moyen, si tu peux, n'hésite pas à venir, etc. Ce serait sympa, parce que Madame bossait, mais moi j'avais prévu éventuellement d'y aller le samedi. Oui, c'est-à-dire que ceux qui voulaient passer pouvaient passer, effectivement. Là, la différence, ce sera que dans le cadre d'un Games & Co, qui est déjà un salon qui accueille du public. Pour le salon Games & Co, justement, là, il y aura, comme dans tout Games & Co, il y a une scène avec un public qui peut s'asseoir, sur des rangées de chaises devant. Et du coup, là, ça se ferait sur cette scène-là. C'est-à-dire que là, c'est plus officiel, quoi. Voilà, et ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà des gens qui viendront exprès pour suivre le Marathon Cast, qui sera inclus dans le Games & Co, les gens qui vont venir, les visiteurs qui vont venir pour le salon, découvriront peut-être cette cause à ce moment-là, et ça peut être très intéressant en termes de résonance pour le Marathon Cast, et puis en termes d'ambiance, avec vraiment un gros public, etc. Je pense que, voilà, puis au niveau invité aussi, on vous prépare des belles surprises. Il y aura beaucoup plus d'invités, etc. Donc, je pense que ça, voilà, ça a plu à prendre de l'ampleur après cette première édition qui a été une grosse réussite. Et je tiens vraiment à nouveau, voilà, à saluer vraiment le socle, voilà, qui a monté cette opération. Enfin, c'est vraiment, c'est assez extraordinaire. Et voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça de toute façon. Bien évidemment, je vous spammerai, comme je le fais d'habitude, voilà, sur Twitter. En tout cas, Crocodine, ça a été un vrai plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Bah, de même, c'était vraiment super. Puis même si j'étais un peu à contre-courant des autres. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'il faut, il faut de tout de toute façon. C'est ce qu'on se dit à chaque édition, c'est que si on est tous d'accord, c'est pas intéressant. Si on est tous à se dire, bah oui, je suis d'accord avec toi, oui, bah oui, je suis d'accord, bah au bout d'un moment, on se fait un peu caguer, quoi. Là, le fait que tu aies un avis contradictoire là-dessus, bah, c'est justement, c'est très très bien. C'était pas prévu en amont, hein, je le dis pour ceux qui nous écoutent, on le savait pas, parce qu'on préfère laisser la surprise un peu des opinions de chacun. Donc non, c'était vraiment cool, et puis bah écoute, en espérant te revoir prochainement avec nous dans une émission. Bah, ça sera avec plaisir pour la prochaine. Eh ben, ce sera un plaisir partagé. Mopral, merci à nouveau d'avoir été là. Mais de rien, ça m'a fait très plaisir aussi. Ça, je vais pas dire que ça faisait longtemps parce que j'en ai enregistré une juste avant, mais je suis quand même content d'avoir repris les grandes revues. Mopral, c'est encore été un plaisir de t'avoir parmi nous. Et Machin Truc 76, bien sûr, qui lui aussi est un vieux de la vieille. Merci encore d'avoir été là, Machin Truc. Ah, j'étais content de me retrouver, ça faisait un petit moment. Moi. Et tu as vu, la malédiction est coupée et brisée, puisque là, je n'ai pas oublié de te nommer dès le début de l'émission, donc c'est fabuleux. Par contre, il y a un truc où je suis un peu déçu, c'est que tu n'as pas fait référence à ta profession ce soir. Et c'est vrai. Je suis un petit peu attristé par ça. Tu travailles dans quoi? C'était dans les recos du soir, mais je ne l'ai pas mis, c'est que j'ai acheté un jeu qui s'appelle Mechanic Cars sur Switch, et le but c'est de démonter, de remonter des bagnoles qui sont des épaves. Ouais, j'ai vu ce jeu, ouais. 1,50€, donc j'ai dit, je vais peut-être éviter d'en parler ce soir, je dis, sinon je vais me faire troller. Et il est comment ce jeu? Raconte. Bah, à la base, c'est un jeu mobile, donc l'avantage qu'il y a sur Switch, c'est que c'est un écran plus petit, par contre, le tactile est plutôt bien utilisé, donc là-dessus, c'est plutôt pratique. Et t'as pas l'impression de ramener du boulot à la maison, ou... Si, un petit peu, mais comme ça, mes gamines, à chaque fois qu'elles disent « qu'est-ce que tu passes tes journées à faire au boulot ?», je dis « tiens, regarde ». Eh ben là, voilà, on est encore sur les valeurs pédagogiques, c'est merveilleux. Eh ben écoutez, messieurs, je pense que il est temps, il est grand temps d'aller se coucher, il est 23h12 au compteur. Merci à tous, voilà, d'avoir été là. Merci encore pour votre soutien, puisque je rappelle que vous pouvez soutenir l'émission via un Tipeee et maintenant via un Patreon, hein, tous les liens sont dans la description, bien sûr. Je vous souhaite la bonne nuit, je vous fais un gros bisou. Bah, toi aussi. De même. Et bah, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à soutenir donc Espoir Autisme 94. Je compte sur vous. Ce sera fait. Merci beaucoup, Crocodine. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait plaisir, je refais une parenthèse, c'est pas grave, on est fou. Crocodine, quand tu avais fait un don, c'était top parce que j'étais à ce moment-là. Je participais à une émission, alors je sais plus laquelle, je suis un peu. Voilà, je les ai pas toutes revues encore. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir. Et je sais pas si t'as vu, je t'avais fait un petit coucou à la caméra. Non, j'ai pas trop vu parce que bon, bah, je regardais un peu tout le monde. Mais je sais que j'avais demandé à Morgane de te passer le coucou. Je sais pas s'il l'a fait. Ah bah écoute, en tout cas, les replays arrivent bientôt. Donc voilà, tu verras, j'ai fait mon plus beau sourire ultra bright. Tu verras ça en replay. Je vais pas louper ça, non. Merci à vous, merci messieurs, et puis bah vous auditeurs, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye, ciao. Salut. Bye.